Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans We Watch The Watchmen, le seul et unique recap sur la série de HBO Watchmen, tirée du comics de Dave Gibbons et d'Alan Moore. Donc nous sommes en direct sur notre serveur Discord avec une foule en délire composée de Xavier et de Sully. Salut à eux et merci d'être là. Sinon on refait. Mais c'est bien, ils font la checklist avec nous maintenant, ouais, c'est fantastique. C'est bien. Merci à eux. Ils vérifient avec nous qu'on ne fait pas d'erreur. Et puisque nous avons déjà chié un épisode. et oui, vous écoutez Radio Discord, exactement. C'est ouais, ça. Ouais. Donc, nous allons vous parler de l'épisode 5. De l'épisode 5, exactement. Je crois que c'est l'épisode 5. Hein, c'est l'épisode 5. Little Fear of Lightning. Putain, quel accent magnifique. De la série Watchmen. Est-ce que tu as des annonces à faire avant que... Alors, déjà, lance... bonjour James, parce que tu m'as pas dit bonjour. Oui, je t'ai pas dit bonjour, je suis avec Faye. Je t'ai trouvé très mal poli, je pense que je vais quitter cette émission. Donc, bonjour Faye, ça au va revoir. Faye oui, bonjour, c'était quoi la question déjà? Oui, ça va. Tu avais des annonces à faire? Oui, j'ai une annonce à faire. Aujourd'hui, alors que nous enregistrons cet épisode, est sorti donc le replay du récap de The Mandalorian sur les deux premiers épisodes. Sur un autre flux que celui-là. Oui, sur Geek en série, tout à fait. Voilà, on a essayé un peu de replacer cette série dans la chronologie Star Wars, de vous faire un peu découvrir ce qui était l'univers étendu Star Wars. On a parlé aussi des séries animées parce qu'il y a des petits indices dans les épisodes par rapport aux séries animées. Et bien sûr, on a parlé de la série elle-même avec, comme toujours, des easter eggs, des théories, de la bonne humeur. On a déjà renommé le Mandalorien puisqu'on l'appelle Pedro le Mando. Voilà. Pedro le Mando, tout à fait. Donc moi, je vous donne rendez-vous dimanche soir à 20h30 pour parler de l'épisode 3 de Pedro le Mando. Donc voilà. Exactement. Du coup... Moi, j'ai pas trop de news à part voir. Il y a un geek en série aussi qui est sorti en début de semaine. Le geek en série sur Grey's Anatomy. Oui, avec cool. Asma. On a bien rigolé. Voilà, 3 heures de bonheur, c'est magnifique. 3h30, je crois. 3h10, ouais, c'est dégoûtant. Ouais. Bah, il fallait bien ça pour faire 16 saisons et dire qu'on aimait pas des règles. D'ailleurs, en montant, je me suis dit merde, on a oublié de parler de ci, on a parlé de ça. Donc, je pense qu'on pourrait même faire un autre épisode sur la série, tellement il y a de trucs à dire. Tellement il y a de conneries aussi à raconter dessus. Exactement. Surtout. Mais James, tu n'as pas sorti une émission également? Si, j'ai sorti un Comics Discovery sur Heroes in Crisis que vous pouvez aller écouter. Voilà, je pense que c'est à peu près tout alors, ce qu'on avait au niveau des news. Je réponds à Xavier. Tu peux écouter même si t'es pas la série, et même au contraire, je t'y encourage parce qu'on essaye de montrer que Grey's Anatomy, c'est pas qu'une série d'amour et de charme, qu'il y a quand même des sujets derrière Grey's Anatomy. Il y a une période où elle était vraiment très engagée, la série, et on montre aussi que elle s'est perdue aussi au bout d'un moment. Donc voilà, moi j'encourage tout le monde à écouter et à regarder. Après, si tu t'en fous des spoils de Grey's Anatomy, voilà. On explique plutôt bien les choses, n'est-ce pas? Ouais. Mais du coup, voilà, c'est un peu tout. Point positif. Ouais, Cash Chandler a été très très bien. Cash Chandler. De toute façon, le casting est assez Le bon, perso était marquant. On reparle même souvent de lui dans la série. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, une petite bonne nouvelle par rapport à nos recaps. Oui. On a quelqu'un sur. J'ai oublié de noter son nom, c'est dommage. Mais. C'est pas Séverine ou. Peut-être qui a acheté, à qui on a fait acheter Watchmen, et moi ça me fait plaisir. Ouais. De ramener les gens petit coucou, à petit vers le comics, c'est vraiment très cool. Ouais. Donc voilà, merci Séverine de nous suivre, et puis merci d'avoir craqué pour acheter ce fabuleux comics. C'est ça. De Alan Moore. De Alan Moore et de Dave Gibbons. Oui. Voilà, on va se lancer petit à petit dans l'épisode. Ouais. Et on a eu un cadeau aussi aujourd'hui. Ah, tu veux en parler? Je remercie une fois de plus Christophe pour le livre. Il n'écoute pas parce qu'il a pas vu la série. Peut-être qu'il écoutera plus tard, je ne sais pas. D'accord. Mais je remercie parce qu'on l'a eu aujourd'hui, donc c'est vous êtes fous. Voilà, tous les auditeurs. Merci Christophe de nous envoyer. Et puis C'est de la découverte, ça va nous permettre aussi de si vous voulez faire la même chose que lui, vous pouvez nous envoyer. Attends, on va pas réclamer des cadeaux. Je réclame pas des cadeaux, mais au cas où. nous envoyer bon pour James et Faye ou pour là c'était pour Faye, juste pour Faye, à 11 rue des Sœurs Noires chez Easter Egg, et, ouais, et ils nous donneront Bah, ils nous l'ont envoyé chez Easter Egg justement, ouais, qui est notre base secrète sur Montpellier. Voilà. Tout à fait. Vous pouvez envoyer à James le cœur de l'océan parce qu'il est fan de Titanic. Je te verrai bien avec. Très vite. je renverrai très très vite. Ouais, donc. James prépare ses cadeaux de Noël. Effectivement, et je les prépare tous à Easter Egg parce que c'est la meilleure boutique de Montpellier. Voilà, c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'avais une pensée de toi en train de me dire dessine-moi comme tes putes français. Ah, d'accord, merci. Merci, merci. Je suis fatiguée, je me tape un délire toute seule, voilà. Bon, on va se lancer dans l'épisode. Allez, oui, parce qu'on a un épisode très très dense, hein. Ouh là là. Et on va commencer. Est-ce qu'on donne notre avis avant, ouais, peut-être donner notre avis avant de parler du recap. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode, Faye ? Alors, j'ai adoré. J'ai adoré la psychologie du personnage, j'ai adoré la mise en scène, le symbolisme est présent, mais dans chaque image, que ce soit dans les couleurs, dans les objets, les miroirs, la mise en scène, c'est vraiment un truc de fou. On a des réponses, on continue à avoir des mystères. Enfin, c'est je l'ai trouvé super touchant, le personnage de Wade, l'acteur, il est vraiment excellent. Non, j'ai vraiment adoré et j'ai beaucoup aimé le lien qu'il y a avec l'épisode d'avant. Où l'épisode d'avant, on a le personnage de Laurie qui te fait toute son laïus, c'est sur pourquoi on porte un masque. Ouais. Et en fait, tu te rends compte dans l'épisode que c'est exactement ce qu'elle décrivait l'épisode d'avant. Mmh. Et j'ai trouvé ça waouh. Voilà. Bah, moi aussi, j'ai. Pourquoi les fondus savoyards ? Les fondus savoyards. Mais oui, c'est très connu. Hein. C'est ça. Moi aussi, j'ai adoré cet épisode. Ce personnage, donc, parce que vous l'aurez compris, c'est tourné très autour de Looking Glass. Et oui, il cherche du fromage pour faire une fondue. C'est ça, en fait, l'histoire de l'épisode. Non, mais c'est vachement intéressant. Le personnage était très, oui, il est très intriguant. Et il était très intriguant dès le début. On avait très envie d'en apprendre plus dessus. Et là, quand on découvre le Wade Tillman, est Looking Glass, vraiment, il est. Enfin, c'est. C'est quoi, il m'a fait penser à Locke. C'est vrai, il a un petit côté Locke. Mais ce côté, j'avais envie de pleurer. Locke. Tu vois, le mec qui était à fond sur un truc, qui découvre quelque chose. Là, j'en dis pas trop encore pour l'instant. Mais putain, la fin de l'épisode, j'ai pensé à Locke. Mais vraiment, voilà. Ouais. Donc voilà, très bon, très très chouette épisode. On va commencer le résumé, du coup. Vas-y. Alors, le titre apparaît sur une radio. Donc une radio, vous voyez... une bande FM la bande FM bouge, enfin l'aiguille de la radio bouge, on entend plusieurs sons et ça parle beaucoup de la guerre et ça parle de l'horloge de l'apocalypse encore une fois. C'est ça. Donc on nous fait comprendre à demi-mot qu'on ne sera peut-être pas dans la même temporalité qu'on est d'habitude. D'ailleurs dès le début on voit direct un journal, il me semble, qui te parle de l'horloge qui est à minuit moins une. L'horloge qui mais vous savez qu'il paraît qu'en ce moment on sera à minuit moins deux. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu ça dans une vidéo américaine de quelqu'un qui était allé voir, en fait, ce que disait... Alors, moi, ça m'a un peu inquiété. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et ça parle des Russes qui auraient des armes nucléaires braquées sur les États-Unis. Donc, voilà, ça nous replace un peu le contexte de Watchmen, le comics. On comprend qu'on est, à ce moment-là, du récit. Du coup, après, on voit un bus qui arrive devant une fête foraine dans le New Jersey. Et on voit un groupe, moi j'ai noté des jeunes évangélistes, mais tu m'as dit que c'était pas alors, des évangélistes. Alors apparemment, c'est des témoins de Jéhovah, en fait. C'est des témoins de Jéhovah. Okay. Ouais. D'ailleurs, c'est très intéressant, comme on a un plan juste avant de les voir descendre du bus, on a un plan sur justement une tour d'une église, un symbole religieux. Quoi. Ouais. Je trouve ça plutôt intéressant. Donc on les voit, ils sont tous habillés pareil, ils descendent ensemble. Et en fait, on comprend qu'ils sont là pour tracter les gens à la fête foraine. Leur pasteur leur dit un petit truc en rappelant encore une fois, et ça reparle de l'horloge de l'apocalypse. C'est ça. Dans cette scène, il y a beaucoup de easter eggs. Je profite parce que c'est ce qu'on voit dans le paysage. On voit une affiche pour le groupe Pale Horse, dont on reparlera un peu plus tard dans l'épisode. Donc, je reparlerai un peu plus parce qu'il y a une autre anecdote par rapport à ça, par rapport au film de Spielberg, donc décrit plus tard un personnage féminin. Donc, on en reparlera à ce moment-là. Et aussi, ce que je peux te dire, James, c'est que le personnage de Wade se fait en fait agresser par des gangs. C'est les Nuts Tops. Comment on dit ça? si je prononce bien, qui sont en fait une bande qui est envoyée dans Watchmen, dans le comics, qui a agressé le hibou, me semble-t-il. Oui, peut-être, oui, voilà. Effectivement. Du coup, on va voir qu'on s'intéresse plus à un personnage, un personnage qui s'appelle Wade, donc on comprend que c'est Looking Glass, en fait, puisqu'on a déjà vu que ce personnage s'appelait comme ça. Du coup, il va aller dans le quartier un peu débauché, on voit que ça a l'air très, très animé, il y a plein de monde et tout. Et lui, il a l'air vraiment d'être très, très, très pur et très candide. Et ça a l'air de l'attirer et en même temps de le repousser. Et il fait la connerie d'aller voir ce qu'on a une espèce d'un groupe de punk. C'est ça, t'as plusieurs groupes et le mec, il fait. Tu vois, j'ai pensé. Oui, il va voir les pires possibles, quoi. C'est ça, j'ai pensé à Indiana Jones 3, c'est tu as choisi fort peu judicieusement, je sais plus comment il dit. Donc il se fait agresser en tendant son truc, où effectivement il y a un panda sur l'espèce de tract qu'il veut donner. Mm-hmm. Et au moment où il se fait agresser par un qui lui enlève qui l'étrangle à moitié, il y a une fille qui va le sauver, donc une fille du groupe qui est habillée comme le même groupe. Tu vas dire, ouais, moi j'ai envie que tu me parles de ton apocalypse, tout ça. Et ils partent main dans la main. Donc voilà. Et là, ils vont avancer vers donc une fun house. Donc c'est l'espèce de truc du clown. Une fun house, tous les deux. Donc une fun house, c'est ces endroits un peu rigolos. C'est le palais du rire, quoi. Ouais, c'est le un peu du le rire, même principe, je pense. Ouais. Voilà. Non, mais je vous l'explique pour les gens qui n'avaient jamais vu un palais de rire ou... Il y a des miroirs, t'as des trucs qui te poussent. C'est très chiant d'ailleurs. Moi j'aime bien ce genre de trucs, c'est marrant. Ah, moi ça m'énerve. Il y a un palais des glaces, ouais. Juste après. Donc ils vont rentrer dans le palais du rire. Il y a un palais des glaces, donc une espèce de pièce avec plein de miroirs de partout. Ouais. Mais là, du coup, on a une origin story limite de super-héros. Ouais, c'est presque ça. C'est très très intéressant cette scène. Donc là, ils vont discuter et elle va le chauffer en fait. Sérieux, ça se voit que le pauvre il est pas sorti de sa coupe, ça. Et elle commence à le dessaper et tu me demandes, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? En plus, il se laisse dessaper. Ouais, il se laisse dessaper. Elle lui dit, oui. Mais tu penses qu'on va bientôt mourir à cause de l'apocalypse, mais est-ce que t'as fait l'amour? Est-ce que t'es vierge et tout? Et du coup, elle lui propose de le déflorer. Et en fait, non, elle va pas du tout le déflorer, elle va le foutre à poil et elle va récupérer tous ses fringues et partir en courant. Mais c'était en disant, oui, j'ai volé les fringues du connard évangéliste, je sais plus ce qu'elle dit. Ouais. Et à ce moment-là, il va y avoir un espèce de gros Alors, bruit. D'abord, je trouve que c'est important. Avant qu'il y ait le gros bruit, c'est qu'il se regarde dans la glace et il dit ah t'es une merde, il s'insulte et il tout. Va s'insulter. Et là tu vois, t'as un premier cassage de miroir interne où justement tu vois, il y a ces illusions qui s'envolent. Et ça c'est intéressant parce qu'on va avoir en fait une scène qui va répondre à ça plus tard dans l'épisode. Donc là il s'insulte, comme tu disais, il dit ouais t'es un pêcheur, t'es vraiment un con, idiot, t'es un con. Si tu mérites ce qui t'arrive. Et à ce moment-là, comme je vous disais, il y a un gros bruit qui va se passer. Les lumières vont s'éteindre et il va y avoir un espèce de souffle bizarre. Il y a un son très aigu aussi. Ouais, moi, ça m'a fait mal aux oreilles. Très aigu. Je suis très sensible à ça. Et en même temps, tu ne l'as pas dit, mais à ce moment-là, il y a une chanson spécifique. Oui, Carrie's Whisper. Carrie's Whisper. Non. Excuse-moi, je vais y arrêter, je n'ai pas commencé à chanter. Mais d'ailleurs, on en avait parlé avec Xavier et je suis allée voir les paroles de la chanson. Et on en reparlera à la fin de l'épisode parce que vous verrez que la chanson, elle va très très bien avec le personnage, elle a du sens. Donc là, tout va devenir noir d'un coup. Wade va tomber par terre et il va se réveiller. C'est la faute à Voltaire. Non. Il va se réveiller de suite. Encore il dit non. Il va se réveiller de suite. Il a une de ses oreilles qui commence à pisser du sang. Mm-hmm. Il est toujours à poil, bien sûr. Tous les miroirs se sont éclatés et ils ont brisé. Lui, il va se lever et il va essayer de comprendre ce qui se passe. Il va sortir de la fun house. Et là, au moment où il sort, il va voir que y a pratiquement tous les gens qui étaient dans la fête foraine qui sont morts. Il y a que quelques personnes qui se lèvent et qui comprennent, enfin qui sont comme lui, qui comprennent pas ce qui se passe. Qui se mais passe. D'ailleurs, tu vois, c'est intéressant, on en parle dans la théorie, mais enfin, qu'est-ce qui fait que lui, il est resté vivant? Est-ce que c'est parce qu'il était à l'intérieur d'un bâtiment? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié au miroir? Est-ce que lui-même posséderait un don? Ça, c'est une théorie que j'ai vue dans les théories du net. Il y en a qui ont dit qu'il avait le Shining quand même, hein, je vous le dis. Ça m'a fait rire. En tout cas, il n'est pas le seul à avoir survécu, donc c'est pas forcément dû à... Non, mais ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont survécu, quoi. Et là, du coup, il sort et il va hurler qu'est-ce qui s'est passé. Bah oui, parce qu'il est sur comme un pot. Ouais. Et parce que oui, il a les tympans explosés. Du coup, on passe à un. Mais d'ailleurs, attends, la mise en scène de cette scène est quand même. Il y a un côté, il y a un côté cauchemardesque. Il y a un côté, c'est de l'horreur brute. Tu vois des gens comme ça couchés dans la rue et qui tombent, c'est quand même impressionnant. Et ça va avoir un sens aussi avec le film de Spielberg dont on parle à la fin, qui est en fait une métaphore d'un autre film de Spielberg. Vous verrez ça plus tard. D'accord. Mais c'est super intéressant. Et puis tu peux le rapprocher aussi, pareil, d'une autre scène qui va faire miroir dans l'épisode, parce que c'est un épisode de miroir. Tu auras un peu un miroir de ça dans l'intervention d'Ozymandias. Ok. Du coup, on va arriver sur une pub pour New York. Revenez habiter à New York. Attends, très important, la chanson c'est New York, New York, tiré du film New York, New York de Scorsese, qui est ici interprétée par Sinatra. Sinatra qui est originaire de Hoboken, là où se passe l'action au début de l'épisode. Ah, okay. Voilà. Et un truc que j'ai pas dit d'ailleurs, c'est que pendant que Wade hurle qu'est-ce qui se passe, on a un dézoom, un grand dézoom du New Jersey, et là du coup on va voir New York et on va voir le fameux poulpe qui est apparu en plein New York. Ouais. Vraiment magnifiquement bien mis en scène. Et du coup je me suis posé la question, mais pourquoi en fait Snyder il a pas fait ça? C'était pas compliqué à faire. Pourquoi? C'est pas le même message en fait au travers de Manhattan ou l'attaque d'un ennemi qu'on ne connaît pas. C'est vrai. Du coup, je me suis posé la question, tu vois. Ouais, ok. C'est bon. Transition. On va revenir dans le monde. Calamar, Carambar, ça ressemble. Hein. La transition. On va revenir dans la temporalité normale. Normal. Puisqu'on arrive sur cette pub du coup pour New York avec des gens qui disent que New York. Et là on se rend compte qu'on est dans une salle d'études de marché avec des gens qui regardent des pubs et quelqu'un qui leur pose des questions. Mais sur la pub il y a des détails importants, genre le couple qui est à Broadway, ils attendent pour voir un spectacle et derrière tu vois que c'est un spectacle sur un scientifique qui a participé justement à l'élaboration des bombes atomiques. Ah ok. Ouais. J'ai plus le nom là en tête, mais ouais. Ok. Y a des gens qui disent qu'ils sont tranquilles dans Central Park, et que vu qu'il y a personne. On peut faire des pique-niques, c'est trop bien. On peut faire des pique-niques. Il y a un. Ah voilà, Oppenheimer, c'est ça, merci Sully. Il y a un flic qui dit que tout est trop beau. Enfin, qu'il aurait pas dû revenir parce que c'est trop calme, et du coup, il n'y a rien à faire. Enfin, vraiment, ils vendent la ville de New York. On voit que les gens regardent cette pub et il y a quelqu'un qui leur pose des questions. Et derrière une glace en teint, il y a Wade qui est en train de les mater. Du coup, on passe à une autre scène encore une fois. Donc, on voit que les clients de Wade, parce qu'en fait, on comprend que Wade gère des études de marché. Donc là, les clients, les gens qui montraient la pub ont l'air super contents parce que les réponses qu'ils ont eues, c'est tous des 10. Et ils disent, c'est les gens sont super positifs par rapport à notre pub. Ont envie de revenir à New York. Les gens ont envie de revenir à New York. Et là, Wade va dire, mais non, mais c'est des conneries. Ils vous ont menti. Il y a personne qui va revenir à New York. On a trop peur et tout. Là, le mec lui dit, c'était il y a 30 ans. Faut avancer et tout. Bon, et tu vois vraiment que lui, ça l'a énervé. Je vois la gestuelle des gens et tout. Sachez que si on était, on peut revenir. Mais du coup, tu vois, c'est intéressant parce que tu te dis, est-ce qu'il voit vraiment ça dans les personnes qui étaient là au panel, ou est-ce qu'il leur donne son sentiment Je pense qu'il donne son sentiment à lui et qu'il est obnubilé par ce qu'il a vécu, quoi. Il a dit vous me payez pour que je vous dise la vérité, pas pour que vous répétez ce qu'on vous dit. Donc apparemment, il est payé pour voir la gestuelle des gens, s'ils disent la vérité ou pas. Ouais. C'est une espèce de détecteur d'un mensonge humain, en fait. Et là, il va s'énerver un peu en disant que leur pub, elle est nulle. Ouais. Et que le truc sur le poulpe, parce qu'il y a un mec qui dit « Ah oui, et le poulpe, maintenant, on le mange mariné avec de la tomate et du citron. Ouais, » ouais. Donc là, il leur dit « Mais ça, cette blague, elle est hachée, quoi. » Enfin bon, il est vraiment pas très content. Bah ouais, c'est pas super. Ah oui, il y a une ref aussi, We Watch the Watchmen, en effet. Et puis, même là aussi, dans cette scène, t'as encore, tu vois, les miroirs. Déjà, t'as le titre qui apparaît à l'envers, comme sur un miroir, tu sais. Ouais. T'as le fait que lui, il regarde, donc c'est dans le miroir, dans le machin, donc t'as l'interprétation, ça rappelle son masque aussi. Enfin, c'est il vraiment. Il y a le miroir sans teint, lui, derrière le miroir sans teint. C'est ça, puis c'est vraiment genre, on plonge dans sa tête, en fait. C'est limite Inception, tu vois. Du coup, on va avancer un peu plus vite. Là, on voit Wade se changer en Looking Glass. Ouais. En même temps, on entend Laurie qui fait un discours. Donc, qui parle, en fait, elle parle aux flics. Et un peu comme Judd avait parlé dans le premier épisode. Mais tu vois, elle est intelligente. Elle dit ce qu'on a vu dans l'épisode 1. Elle leur dit, ouais, si vous voulez trouver... Tu vois, elle part comme ça. Elle fait, ouais, si vous voulez trouver qui sont les cavaleries, bah, il faut trouver où est cette église. Ouais. Et chose et que n'avait pas dit. Elle se fout de leur gueule en disant qu'ils ont remué ciel et terre. Ouais, que ça servait à rien du tout ce qu'ils ont fait. Et qu'ils n'ont pas du tout avancé. Mais tu vois, elle met en avant ce que nous, on a déjà vu, à savoir que Jude, bah, il était peut-être pas compétent dans son travail. Ouais. Ouais, peut-être que tu vois, on parle. C'est un épisode qui parle beaucoup de vérité, tu vois, à travers le miroir, à travers plein de choses. Et on a le personnage de Laurie justement qui commence à sa façon à leur faire essayer de prendre conscience que il y a quelque chose qui va pas. Donc je trouve ça très intéressant. Tu vois, c'est très subtil ce qu'elle fait. Là, on va revenir dans le central du coup. Et il y a Looking Glass et Cisternin qui vont discuter, qui vont un peu s'engueuler un peu sur les autour des cachets. Qu'elle a donné à son ex. Looking Glass dit qu'il il a toujours pas de nouvelles et que quand tu demandes un service à quelqu'un, tu le pousses pas en lui disant oui bon bah je veux mes réponses. Et ça a l'air compliqué tout ça. Pile au moment où ils sont en train de discuter et que c'est un peu houleux, il y a Laurie qui demande et c'est un peu bizarre parce que elle dit en VF elle dit la boule de disco mais elle l'appelle pas comme ça en VO. Non, elle dit Mirror Man ou un truc comme ça. Elle l'appelle Mirror Man, effectivement. Et pour une fois j'avais dit que la VF était pas ça allait. Ouais. Là pour le coup je suis pas très fan de cette traduction. Mais enfin, tu vois, regarde, c'est pareil en lui disant Mirror Man, tu vois, c'est encore une fois elle le rabaisse, elle veut le faire sortir de cette espèce de rôle de justicier dans lequel il se met. J'ai l'impression qu'elle veut vraiment, tu vois, le renvoyer son identité propre. Donc elle l'appelle dans son bureau, il arrive dans son bureau et là direct elle commence à l'engueuler en lui disant c'est bon, je sais qui t'es, enlève ton masque, c'est ridicule. Lui il lui dit que bah non, c'est dans le... il a l'air très dans le règlement. Il dit oui, on est dans le règlement, on est obligé de garder dans les locaux notre masque pour protéger notre identité. Ouais, mais ça c'est une fausse excuse parce qu'en fait lui-même ne supporte pas sa vraie identité, il la fuit, on va le voir tout du long de l'épisode, c'est quelqu'un qui ne s'assume pas du tout. Là, elle va commencer à feuilleter un peu son dossier et elle va voir qu'il était à New York le jour de l'attaque du poulpe. Et qui s'est engagé après la nuit blanche, donc il n'était pas flic avant la nuit blanche. Et là, c'est pour ça que lui, c'est pas un connard. En fait. Elle lui dit ah ouais, le fait que vous ayez masqué les flics, c'est ça, t'as donné une excuse pour recouvrir ta tête de réflexatine, je crois, que c'est ça qu'elle dit, réflexatine. Ouais. Qui est une matière, donc c'est la matière qui est faite dans l'effet de son masque. Ouais. Qui est une matière qui. Et on a déjà vu qu'il en avait dans sa casquette aussi. Non, on le voit après. C'est pas avant ? Ah, non, c'est après. Ah, d'accord, ok. On voit que c'est un truc qui annule les. Enfin, elle dit que ça annule les ondes psychiques. Mais tu vois, ça c'est marrant, ça m'a rappelé le film Signe de Night Shyamalan, où en fait, à un moment, ils se font des chapeaux en papier alu, parce qu'ils pensent que ça empêche les extraterrestres justement de... Bah, il y a une référence à ça, un truc, tu vois, c'est psychiquement, parlent, quoi, ouais, ouais. Ils en parlent. Donc, je trouvais ça marrant. Donc là, Laurie va lui dire, bon bah, tu peux partir, et en fait, elle lui dit, ah non, j'avais un dernier truc, qu'est-ce que c'est ces cachets? Et en fait, là, elle lui dit qu'elle a mis un micro. Un bug, j'allais dire. Ouais, un micro dans son cactus qui est sur son bureau. Donc en fait, elle a entendu toute la conversation qu'il avait avec Sister Night. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce qui a été dit sur le chat. C'est Xavier qui disait qu'il y a beaucoup de thèmes des ondes et des diffusions. La radio des bulles, ondes de choc, les micros cachés et tout ça. Donc c'est vrai qu'en plus des miroirs, on a aussi cette thématique-là, en fait, de l'espionnage, du complot peut-être. Oui, je lâche le mot complot. Ce soir, il y aura du complot. Du coup, elle va lui demander ce qu'il disait avec Angela. Et là, il va lui dire, c'était un truc privé entre nous, ça vous regarde pas, c'est privé. Et encore une fois, il rajoute un truc de règlement en disant, mais tu sens qu'il la défend parce qu'il a des valeurs, en fait. Tu vois que c'est quelqu'un qui est assez droit, en fait, et qui a des valeurs. Mais tu vas voir qu'en fait, il a besoin de ces codes-là parce que c'est ça qui leur permet de rester debout, en fait. Sinon, il craquerait complètement, je pense, ce pauvre gars. Et là, on va le voir rentrer chez lui. Et justement, c'est ce que tu disais, parce qu'il il a sa casquette quand il rentre chez lui. Ouais. Et quand il enlève sa casquette, on voit qu'à l'intérieur de sa casquette, c'est tout rempli de réflexes catines. La matière qui... C'est ce que je te disais, il s'assume pas, il a besoin d'avoir toujours un contact avec cette personnalité qui s'est créée, puis il a besoin de se sentir tout le temps en sécurité. Mais je pense c'est plus une question de les ondes psychiques, quoi. Il a peur de... Non, mais c'est ça, il a besoin de se sentir en sécurité. Ouais, voilà. C'est ça, c'est sans, vraiment quelqu'un... Sans ce truc, il se sent pas en sécurité. Mm-hmm. Il va rentrer, et c'est assez bizarre, c'est qu'il va rentrer, il va poser sa casquette, il va direct ouvrir un espèce de coffre, et il va remettre un masque. Ouais. Donc il va remettre le masque qu'il avait. À la fois un moyen de se sentir en protection parce que en étant Looking Glass, il se sent plus sûr de lui, plus fort. Et c'est aussi un rejet de sa personnalité. Et le fait de se cacher derrière un miroir, c'est un moyen justement de pas affronter son propre reflet à lui-même. C'est très psychologique cet épisode. Y a celui qui se fout de ma gueule dans le chat. Merci Soli. C'est bien fait, t'avais qu'à pas être délateur. qu'est-ce que je disais ? Ah oui, il va s'ouvrir une boîte de baked beans qu'il va manger à même le pot. C'est dégueulasse. Comme le faisait Rorschach dans Watchmen. Ça me dégoûte. Si vous voulez me draguer, faites jamais ça. Tu retournes James. Mais déjà, vous ne la draguez pas parce qu'elle est avec moi. Donc c'est chasse gardée, attention. Eh ben, bouffe pas des trucs dans une boîte. Ouais, mais moi j'aime beaucoup les baked beans par contre. donc il va manger les baked beans à amener la boîte et il va regarder un épisode d'American Horror Story qui est très intéressant, qui est un peu graphique puisqu'en fait c'est Captain Metropolis et Hood Justice qui font l'amour Captain Metropolis qui dit oui je sais que t'es beau sous ton masque et il lui dit ah mais tu ne verras jamais mon masque, tu ne verras jamais mon visage. Excusez-moi, je réagis au chat. Des personnages. Ah, qui sont. Oh purée. N'importe quoi. Ça se dévergonde. Ouais. Donc, donc, encore une fois, on est encore dans cette théorie. Comme quoi, Captain Metropolis et Hood Justice étaient ensemble pendant les Minute Men. Ouais, mais il faut se rappeler aussi ce qui a été dit l'épisode d'avant. De la grosse merde, c'est pas du tout. Historiquement, c'est pas du tout bon, donc. Ouais. Donc, on ne sait pas si c'est vrai. Il a la corde au cou, ouais. Et à ce moment-là, il y a une alarme qui va retentir, et Wade va courir jusqu'à son bunker, et il va taper. Il fait un bouton rouge, taper un bouton rouge pour arrêter l'alarme. Et taper un bouton rouge et commencer à écrire. Exactement, référence à l'os aussi, avec le fameux code à taper toutes les. Et au moment où il va taper sur le bouton, il y en a un autre 180. Qui va retentir, mais cette fois chez lui. Il va rentrer chez lui. Il va aller dans sa chambre et là on voit que dans sa chambre il y a un autre. Il y a tellement de références à l'os. Il y a un autre truc d'alarme et il va taper plusieurs fois le truc, ça marchera pas. Il va être obligé de l'exploser à coups de pied pour que ça s'arrête. Moi je le redis. Il a l'air très très mécontent. Et vous verrez, il y a une actrice de Lost aussi dans la série. Ouais, c'est vrai. Hihi, l'avez-vous remarqué ? On va le voir au téléphone avec le service commercial donc de EDS. Donc c'est un service de défense contre les trucs interdimensionnels. Et là, il tape vraiment un scandale en disant c'est pas possible que ça marche pas. Il dit qu'il a fait plus de 5000. 6000. Moi j'ai noté 6000. Bon, en tout cas, il en a fait beaucoup. J'ai noté 5000 en tout cas. 5000 simulations de tests. Et là, le mec est choqué en disant mais c'est pas. Enfin, normalement, on. Non, fait normalement, c'est deux par mois. Non, il dit une tous les 6 mois. Ah, une tous les 6 mois. Et il dit oui, dans le manuel, c'est marqué qu'il faut faire une tous les 6 mois. Et lui, il dit mais j'en ai rien à foutre du manuel. Ouais. Je veux une nouvelle. Il veut une nouvelle alarme et il la veut tout de suite. À toutes les 6 semaines. On dit sur le chat, c'est ouais, Asma peut-être, je sais plus. Lui, il a compris qu'il fallait en faire 6000. Ouais. Voilà. Il a mal lu la notice. Bon, bah. Non, mais on sent que c'est quelqu'un là, qui a peur le mec de la lui fin dit, mais vous en aurez pas une avant je sais plus quelle date. Mais et oui. Lui dit, non, moi je la veux tout de suite. Et il dit, mais si vous voulez, si pour être livré demain, vous allez devoir payer le même prix. Coucou que, Greg. Que la boîte, quoi. Et lui et dit, je bah, m'en fous, vous l'envoyez. Je m'en fous. J'achète. Ouais. Et il demande encore plus de rouleaux de réflexe. Ouais. De réflexe. C'est shut up, cut my money. Je peux commencer le même. Ouais, t'es. Shut up et take my money. C'est, ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais le pauvre, tu vois qu'il se tape une grosse crise d'angoisse au point de carrément dormir dans son bunker tellement il a besoin de se calmer, ouais, en fait. Et donc là, il va s'endormir dans son bunker et il va la mettre chance. Son masque, il va le baisser jusqu'à, il va dormir avec le truc baissé jusqu'au bout. Je sais pas comment il arrive à respirer dans ce machin. Ben, je sais pas. Il y a peut-être, ça laisse passer l'air, je sais pas. Mais il a trop, moi, j'aimerais trop avoir un bunker qui ressemble à Swan. À la station Swan de Lost, ça serait trop bien. voilà, du coup là, ça. On le voit s'endormir et on va le voir à son travail. Encore une fois, donc des études de marché. Alors que là, il y a des petits qui sont en train de manger des céréales. Ouais. Ah d'ailleurs, intéressant. La boîte, on a un smiley dessus. Ouais. Et le nom des céréales, ça rappelle un peu le bar. Où... Smileyos, je crois. Ouais. Enfin non, il y a Henry. Enfin, je sais plus. Mais le nom du truc, ça rappelle. J'ai vu un bar où allait Rochard. D'accord. Voilà. Ok. C'est pas tout à fait le nom, mais ça rappelle un peu en fait. Ok. C'est ce qu'il y avait. Et apparemment, c'est pas très bon, puisque ouais. La petite fille, ça goûte à rien. Ça goût à rien. Ouais. Et là, il va recevoir un message sur son beeper, et c'est son ex qui lui dit, viens chercher tes pilules. Mm-mm. Donc il va partir les chercher, et on va arriver où travaille son ex. Et en fait, on pensait que son ex, on l'avait dit dans l'épisode d'avant, que c'est peut-être son ex travaillait dans le truc de fertilité. Mais non, elle travaille dans un laboratoire qui clone des animaux de compagnie. Ouais. Et d'ailleurs, juste, il faut qu'on dise que au début, on l'a pas dit, mais il avait une photo d'elle encore dans sa maison. Ouais, il avait une photo d'elle dans sa maison, c'est vrai. Plus jeune, mais une photo d'elle. Donc, on va aller voir. Donc, il y a plein de gens qui clonent leurs animaux de compagnie. Je comprends pas trop. Bah, elle l'a fait Barbara Streisand. Oui, c'est vrai, ouais. Mais est-ce qu'il paraît que c'est des conneries? Enfin, j'ai vu une vidéo qui disait que c'était des conneries. Je sais pas, elle disait qu'il y en avait en fait. Un des deux qui était ténu, je sais pas quoi. Non, bref, c'est pas grave. Donc là, il va voir son ex, ils vont la voir en train de faire ça. Son ex va buter un chien. Ah ouais, parce qu'il est pas copie parce qu'il conforme. Il est pas conforme à ce qu'elle. En plus, il était tout mignon. C'est autant les clones aussi, bon, on s'en fout, mais un petit chien, merde quoi. Du coup, il va lui rendre les pilules et lui dire que c'est des cachets qui sont des nostalgia et donc c'est des souvenirs sous pilule en fait. Et elle va lui dire dis à ta copine de pas les prendre parce qu'en fait ça peut rendre psychotique. Ça rend psychotique. Et alors là j'ai des détails sur ces pilules mais je parlerai dans la partie théorie je pense. Ça sera plus intéressant. Là, il lui dit mais pourquoi tu dis que c'est pour une copine? Et il fait tu m'as pas demandé si c'était pour une copine, là elle lui demande si c'est pour une copine et elle lui dit pourquoi tu vas toujours avec des filles qui veulent t'arnaquer. Donc je me suis fait couper, je sais plus. Donc elle lui demandait si c'était pour une copine. Oui, elle lui demandait si c'était pour une copine et elle lui dit oui, pourquoi tu vas toujours vers des filles qui veulent t'arnaquer en gros. Et lui il lui dit ah mais je t'ai choisi toi et tu étais une fille bien. Et elle lui a dit ouais mais moi j'ai passé 7 ans à essayer de te faire comprendre que j'allais pas prendre tes vêtements et te laisser tout seul à poil. Ouais. Et là il la regarde et il lui dit 7 ans de malheur. Donc moi ce que je comprends au travers de ça, peut-être qu'on en parlera plus tard, c'est que il dit qu'elle a brisé un miroir et quand on brise un miroir c'est 7 ans de malheur. En non, fait elle l'a brisé lui. Je pense pas, c'est plus lui qui était déjà brisé et le problème c'est qu'elle elle pouvait rien faire. Parce qu'elle lui dit j'ai passé 7 ans à essayer de te rassurer, à te faire comprendre que tu vois, elle était là avec lui, enfin elle a essayé de le calmer, mais le problème c'est qu'il est tellement dans l'angoisse, tellement dans la parano qu'il s'est pas ouvert. Ouais, je sais pas. Ouais, on va avancer du coup. J'en étais où? Tac, tac, tac. C'est sûr que c'est un miroir brisé, mais c'est lui qui est brisé comme ça. Hein. Moi, j'ai eu un peu l'impression qu'elle disait. Elle te dit, ils étaient déjà brisés quand ils se sont rencontrés. Elle est restée 7 ans avec lui, et au bout de 7 ans, elle est partie. Donc, ce qu'il lui dit, c'est 7 ans de malheur. Donc, au bout de 7 ans, son malheur s'est arrêté. J'ai l'impression qu'il se voit un peu comme un bad luck, en fait, en quelque sorte. Ouais, alors que Sophie galère à se connecter, c'est marrant alors qu'elle l'avait fait dès le début. Mmh. Ah bah voilà, c'est bon. Salut Sophie. du coup, et là on arrive à une autre scène. Mmh. Et du coup c'est Wade qui va à une réunion de gens qui ont peur pour les attaques physiques. C'est comme une réunion des alcooliques anonymes. Ouais. Sauf que là, c'est pour les gens qui ont peur des attaques psychiques. Mmh. Pas psychique, interdimensionnel. Ouais. Mmh. Là, on a quelqu'un qui, je pense que ça va être ça, intéressant. Mmh. Donc, un mec qui témoigne et qui dit que sa mère était enceinte de lui. Que sa mère était enceinte de lui et qu'elle a. Je crois qu'elle a. Elle a. Il dit que merde. Elle a assisté ou qu'elle était pas loin en tout cas du. Ouais, elle était. Enfin, en tout cas, elle a survécu en fait à ce qui s'est passé et du coup, elle lui a transmis sa peur. Et il parle de traumatisme intergénérationnel ou intergénétique, je sais plus. Des traumatismes enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça existe. Moi, c'est ce qui arrivait à mon père, par exemple, quand ma grand-mère. Elle attendait mon père, c'était au Maroc au moment où il y avait des problèmes, tu vois, enfin des choses comme ça. Et du coup, elle lui a transmis en fait ses angoisses et tout. Donc c'est vraiment quelque chose de réel. Donc je. Ouais. Ouais. Donc il parle de ça. Mm-hmm. Il parle qu'il a le trauma de sa mère et que c'est pour ça qu'il est là. Mm-hmm. Et il dit tout un truc. Il y a Asma qui découvre que son père, est né au Maroc. Oui, son père est. Ouais. Oui, mon père est né au Maroc, oui. C'est la mémoire transgénérationnelle, voilà. Exactement. Merci, Greg. Merci. Vous découvrez, mais en même temps, vous vous en foutez. Hein. C'est pas grave. La petite feuille. Non, mais là, je l'ai dit parce que c'était pertinent, pour dire que oui, ça existe. Je sais plus ce que je voulais. Ouais, et donc en fait, il leur. Il dit oui, mais j'essaie d'avancer, Enfin, il a l'air d'essayer d'avancer par. Ah, ça. Moi je suis pas. On en reparlera, mais c'est plus compliqué que ça. Et il dit qu'il a pas envie d'être comme tous ces fous qui s'enroulent d'aluminium. Donc en fait, il parle des gens qui se mettent de la réflectatine autour de, comme qui psychote. Et là, à un moment, on voit une nouvelle qui arrive. Et c'est marrant, il lui dit, est-ce que vous êtes une amie de Nemo? Oui, et mais en fait, dit, c'est un rapport avec le capitaine Nemo. Capitaine Nemo, 20 milieux sous les mers. 20 milieux sous les mers, Jules Verne, qu'est-ce qui se passe? Ils se battent contre un espèce de pieuvre géante. Donc c'est pour dire, vous venez ici pour la réunion, quoi. Et qui est cette jeune femme, James? Dans quelle série l'avons-nous vue? On l'a vue dans Lost. Saison 3, c'était la femme de Piquette. Ouais. Et oui, qui se fait sur le bateau. Ouais. Et d'ailleurs, le nom de l'épisode où il lui arrive quelque chose, justement, il y avait le titre Glass dans l'épisode, me semble-t-il. C'était l'épisode sur Sun. Through the Looking Glass? Non, mais il y avait un truc Glass avec la, tu sais, c'était par rapport à la figurine en verre qu'elle avait cassée. Enfin, il y avait un rapport avec ça aussi. D'accord. Me semble-t-il. D'accord. Voilà. Arrêt Donovan, j'ai pas vu, je ne pourrais pas dire. Ouais, mais non plus, j'ai pas Lost, vu Arrêt Donovan. Voilà. Mais Lost, c'est la vie. Donc, elle va rejoindre le Asma, je sens qu'on va être copine. Je vois une théorie. Nemo, c'est Docteur Manhattan. Non, mais il y a un truc. En plus, remarquez bien, souvent dans cet épisode, il y a la lumière bleue. Mais prioritaire, parce que c'est important. Parce que, priorité au résumé. Oui, mais dans la discussion, il y a cette lumière bleue qui est souvent dans l'épisode, telle une présence divine. Très intéressant ça. Vas-y, alors poursuis ta scène. Donc priorité au résumé. Du coup, on va avoir leur réunion. Mais il faut voir Lost, allez. Et Wade va finir de ranger parce que ça a l'air de lui c'est lui qui a l'air de chapeauter tout ce truc. Ouais. Ah oui, il y a un truc. Oui, c'est lui qui l'a créé ça en fait. C'est lui qui l'a créé. Mmh, OK. Mmh. Tu l'as vu où? Je l'ai vu sur internet. Ok. Je sais plus si c'était, parce que je crois qu'il y a le, je sais plus si c'est sur Pity machin, mais il y a tout un, en fait, si vous voulez aller voir sur le Pitypedia, il y a plein de flyers, en fait. Un sur la clinique des clones, un sur la pilule, on en reparlera tout à l'heure, et un sur le truc qu'on voit dans l'épisode de, que Don Wade, en fait. Et là, pour finir le, finir la session, il dit, Wade dit un truc intéressant, et d'ailleurs, tout le groupe répète derrière lui. Mmh. C'est, nous savons qu'il existe d'autres dimensions. T'as oublié un truc avant. Quoi? C'est qu'il leur fait un discours à la fin en disant « Oui, j'étais comme vous, j'avais peur et tout ça. » Et il parle du tunnel en disant « Oui, vous savez, quand on a peur et tout, on est dans un tunnel. Mais il faut jamais oublier qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. » Et c'est une métaphore pour parler aussi du temps qui passe. C'est-à-dire que quand t'as un trauma, quand t'as quelque chose, plus ça va être dur, mais plus le temps va passer, plus tu vas pouvoir relativiser et trouver des moyens de sortir de ce trauma, en quelque sorte, de passer au-dessus. Et c'est assez intéressant parce que lui, il te fait une métaphore du tunnel pour parler du temps. Donc, ça veut dire que lui, il voit le temps comme quelque chose de linéaire, contrairement à Manhattan, par exemple. Et je parle pas dans mon micro. Donc oui, tu as totalement raison. Et après, il lui dit, nous savons qu'il y a religieux aussi le tunnel. Dimensions, mais laisse-moi finir. Mais je réponds au chat. Nous savons qu'il y a d'autres dimensions, que c'est celle-ci dans laquelle nous vivons, mais attends, je vais réussir à me relire. Bon, nous savons qu'il y a d'autres dimensions, que c'est celle-ci dans laquelle nous vivons, et nous refusons de vivre dans la peur. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant comme petite phrase de conclusion. Ça fait penser au discours du président dans Independence Day. Nous ne rentrerons pas dans la nuit sans combattre. Aujourd'hui, c'est le jour de notre indépendance. Enfin bref. Du coup, Wade va finir de ranger ses conneries pour sa réunion. Ouais, ses flyers. Il va les ranger dans sa voiture. Et en fait, dans sa voiture, quand il va aller pour rentrer dans sa voiture, il voit que Madame Piquette, Madame Piquette, on va l'appeler comme ça. Madame Piquette est en train de, je crois qu'elle de s'en griller une. Elle fume une clope, ouais, devant sa voiture. Et il lui dit, est-ce qu'on vous a dit qu'on se réunit tous les jeudis ou tous les mardis? Non, les mardis. La prochaine réunion, c'est le mardi. Mardi. Et elle lui dit qu'elle sait pas si elle va revenir. Ouais. Et là, elle lui demande, je crois qu'elle lui dit, elle lui parle encore du tunnel. Elle lui dit, oui, est-ce que vous, je pense non, que elle lui vraiment dit c'est du bullshit ce que t'as raconté. Je sais très bien que t'es pas du tout à ce niveau-là. Ouais. Mm-mm. Que t'as encore des araignées. Ouais, il dit ouais, que t'as encore des araignées au plafond. Et il lui dit oui, il y a des araignées dans le tunnel. Et là, elle va lui dire suis-moi. Donc il va le suivre en voiture et ils vont aller boire. Ils vont aller boire un verre dans un bar. Ouais. Et là, on a une lumière bleue au-dessus d'eux. Juste ça, je dis rien. D'accord. Voilà. Wade va lui dire ce qu'il fait pour vivre. Mmh. Et elle lui dit, en fait, t'es un détecteur de mensonges. Il lui dit oui, à peu près. Et elle va lui dire ce qu'elle fait dans la Bourré, vie. Ouais. Elle va lui mentir plusieurs fois jusqu'à ce qu'il devine qu'elle est radiologue, enfin qu'elle est docteur radiologue. Mmh. Là, il va lui demander ce qui l'a traumatisé. Et elle va parler du film dont tu te parlais tout à l'heure. Mmh. Alors, qui s'appelle Pale Horse. Ouais. Du coup, est-ce que tu veux que j'en parle parce qu'il y a des choses intéressantes? Vas-y, vas-y. Donc, en fait, ce film de Spielberg parlerait d'un groupe de musique qui jouait en concert à New York le soir où il y a eu ce petit incident. Et elle lui dit, en fait, qu'il y a une scène qui l'a marquée. Donc, le film est en noir et blanc. Et elle part d'une petite fille qui, elle, a une robe rouge. Et qu'on suit, elle a décrit toute la scène. Et en fait, c'est une référence. C'est-à-dire que ce film-là, en fait, remplace la liste de Schindler où, justement, on a, pareil, le film est en noir et blanc. Et on a cette scène où on va suivre cette petite fille avec un manteau rouge. Une scène assez tragique, j'en dis pas plus, mais juste sachez que dans la scène décrite, on entend des bruits de vitres qui se brisent. D'accord. Donc encore le miroir en quelque sorte qui se brise. Donc c'est pas anodin qu'elle choisisse cette scène-là, quoi. Et après, elle lui dit qu'elle est trop bourrée et qu'elle peut plus conduire, donc elle va appeler un ami. Ouais. Et elle lui dit qu'il faut qu'il fasse pareil parce que lui aussi il est trop bourré. Et lui le pauvre il se dit j'ai pas d'amis. Attends, c'est super triste. Ouais, il dit qu'il a pas d'amis. Putain, mais pourquoi on lui a pas présenté John Locke? Franchement, ils auraient pu faire un club à tous les deux. Parce que si tu regardes John Locke, c'est aussi un mec qui s'est fait abuser par son père, abusé par Lille, abusé par notre ami Ben, abusé par tout le monde. C'est super triste. Du coup, ils vont continuer à discuter dehors pendant qu'ils attendent leur voiture. Je crois qu'il a appelé un taxi, lui. Ouais. Elle va l'embrasser. Non, lui, il a rien appelé parce qu'il va tout seul. Non, je crois qu'il a dit qu'il avait appelé un taxi. Mais je crois que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, elle est en train de fumer un joint. Mmh. Et quand il vient la voir, elle lui dit oh, mais c'est que du tabac. Il dit oh, mais c'est contrôlé. Je pense que ils ont peut-être dû arrêter le. Ils ont peut-être interdit le tabac. Il dit qu'il aime bien l'odeur du tabac. Ouais. Est-ce que tu vas me dénoncer au flic? Et il a dit j'ai utilisé mes derniers pénis pour appeler un taxi. Pénis. Pénis. J'ai utilisé mes derniers. J'ai utilisé mon dernier pénis pour. Mon dernier truc de Manhattan. Elle est morte de rire. Et là, pendant que Faye. Pardon. Putain, je pourrais pas continuer si tu rigoles comme ça. J'imagine le mec qui se balade avec une valise avec des. Manhattan. Désolé, vas-y, continue. Du coup, il y a son pote qui arrive pour la chercher, donc il y a une espèce de pick-up. On va le voir partir, et au moment où il part, il y a une boîte de salade qui va tomber. D'ailleurs, il y avait un petit lien avec. Ah oui, attends, la salade. Avec la salade, parce qu'au début, quand il est au central, quand il est au commissariat. Il y a Red Scar qui s'est fait un sandwich avec la salade qui était censée être une preuve encore. C'est le bout de salade qui est tombé dans l'épisode 1. Donc c'est vrai, il montre vraiment que Red Scar est un gros con, quoi. Alors, j'ai un truc sur la salade. Alors, j'ai cherché la symbolique de la salade pour voir pourquoi on en voyait souvent. Alors, c'est la symbolique du mensonge, déjà, ça on le savait. Donc, quand tu me racontes des salades. Mais c'est aussi, dans l'interprétation des rêves, c'est aussi un symbole qui traduit le conflit et la malchance. Donc, encore une fois, c'est plutôt lié à notre personnage principal. Voilà. D'accord. En fait, là, il va comprendre que le pick-up qu'il vient de voir, c'est celui de la 7e de cavalerie. Oui, aussi la fertilité, Asma nous dit sur le chat. Ouais. Donc la salade, c'est la spécialiste des manger de la salade en définitive. Spécialiste de la symbolisme. C'est légumane en fait. Légumane. Donc il va appeler le central en disant est-ce qu'on a retrouvé cette voiture, et on va lui dire que non. Donc il va comprendre que c'est ça, il va commencer à les suivre. Et en fait, ils vont arriver devant un centre commercial désaffecté. Et il va les regarder à la jumelle et il va voir que les deux mettent des masques de Rorschach. Donc en fait, il a trouvé. Et du coup, ils fouillent leur camionnette et là, ils trouvent un objet où on voit le sigle de Trieux dessus. Avant, il appelle. Oui, pour dire je suis à tel endroit. Il dit où je suis à tel endroit, j'ai besoin de renfort. Il va le suivre et effectivement, il va fouiller la camionnette. La camionnette, il va trouver un flingue. Et un truc avec le symbole. Et un truc avec le symbole Trieux, mais ça, j'avais pas remarqué. Moi, je te le dis. Et après, il y a un truc intéressant à l'intérieur, quand ils rentrent dans le bâtiment, on voit une espèce d'œil dessiné. Ouais, c'est l'œil du poulpe. Alors, c'est pas l'œil de Sauron, mais sachez que ce... C'est l'œil du poulpe. Oui, mais on sait pas exactement ce que c'est. Parce qu'il a la même tronche, attends, on le voit juste après. Attends, je finis de t'expliquer, s'il te plaît. C'est peut-être un œil de poulpe, on sait rien, mais on sait pas si ça représente en fait la symbolique d'un groupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, sur le fameux Pitipédia, on voit qu'en fait, le père, il me semble, de Keane... l'avait utilisé dans une lettre qu'il avait adressée au père de Judd. D'accord. Donc peut-être que justement on aurait un fameux troisième groupe secret, le groupe du poulpe, j'en sais rien. Donc du coup, comme tu disais, il va rentrer dans le centre commercial et là il va trouver des espèces de décors de cinéma et on va voir justement la fameuse église dans laquelle ils avaient tourné leur vidéo. Qui est en fait un studio. Quoi. Ouais, c'est un décor de cinéma, comme tu disais. Et à ce moment-là, il va y avoir encore une lueur bleue. Et un ballon de basket va tomber du plafond. Ouais. Comme par magie. Par magie. Et donc, il va se cacher. Il va voir ce que la 7e de cavalerie sont en train de faire. Et en fait ils jouent à Portal. Ouais, ils ont ouvert un portail. Et donc là, Wade va un peu péter un plomb. Il va commencer à les menacer en leur disant éteignez ça, éteignez ça, éteignez ça. Et là, on va comprendre que Pickett lui explique qu'en fait c'était un piège depuis le début, qu'il savait qu'il était Looking Glass et qu'il voulait absolument le faire venir là. Et là, il y a un mec qui va essayer de le choper par derrière. Mm-hmm. Et il va essayer de lui... Donc, Wade va le voir et va vouloir lui tirer dessus. Mm-hmm. Et en fait, c'est un pistolet avec des balles à blanc. Donc, il va rien lui faire du tout. Mm-hmm. C'est un peu la merde pour Wade. Donc, là... Il veut qu'il vienne du côté obscur de la mecs force. Les mecs de la système de cavalerie vont choper Wade, vont l'amener mm-hmm. dans une salle. Et dans cette salle, il y a une espèce de grand mur avec plein d'écrans, un peu comme il y avait chez Ozymandias. C'est ça. Ou chez l'architecte dans Matrix. Tu vois une référence à Matrix. C'est plus une référence à Watchmen, je pense. Je pense, mais bon. Puisque voilà. Watchmen est plus vieux que Matrix. Matrix faisait peut-être référence à Watchmen, je sais pas. Et là, à ce moment-là, alors qu'ils l'ont posé sur un siège, il y a un mec qui va arriver et qui va commencer à discuter avec. Wade. Mais nous, on l'avait déjà reconnu. Et Wade va le. Il va dire, ouais, j'ai reconnu ta voix. Il va le prendre de suite avec la voix en disant, mm-hmm. Mais tu caches même pas ta voix. Mais oui, c'est toi, Keen Palpatine. Et en fait, on c'est Keen. Donc Keen Palpatine. Keen enlève son masque et explique qu'il a pris la tête de la 7e de cavalerie pour empêcher une deuxième nuit blanche et que Judd a fait pareil de son côté. C'est ce qu'il dit. Et que tous les deux, en fait, ils tenaient un peu les rênes des deux trucs pour garder le statu quo et garder garder la paix. Ouais. L'équilibre et la paix. Mes fesses. Ça s'appelle plan Palpatine. On avait quoi? Les séparatistes et la République. Et hop, qu'est-ce que ça a donné? L'Empire. C'est exactement la même chose. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. Alors ensuite, James. Et là, on apprend que le portail qu'ils ont ouvert, selon Wade, c'est la chose qui a attiré le poulpe la première fois, puisqu'il dit oui, c'est le même portail que le 2 novembre mm-hmm. qui a attiré le poulpe. Alors, j'ai la référence du portail. Vas-y, je te si trouve ça direct. Attends, je l'ai noté. Parle pendant que je retrouve où je l'ai noté. Donc. Mm-hmm. Ah, voilà. C'est le CX-924 téléportation window et c'est le même qu'il y a à l'institut justement d'études de voilà truc transdimensionnel. Et là, Keen va demander à Wade, à ton avis, qu'est-ce que tu crois qu'on va faire avec ça? Mm-hmm. Il va lui dire, vous allez faire téléporter. Allez faire l'amour, non je sais pas. Donc vous allez téléporter un poulpe sur Tulsa. Et là, il va lui dire non, on va faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'original. C'est animé sur le chat. On me dit c'est une Citroën. Ah bah je sais pas, j'y connais rien en voiture, mais je te fais confiance. Et pourquoi? Ah oui, Nemo, d'accord, référence à la mer, ouais. À Renault, oui. Peut-être que Renault est le grand méchant de la série, je ne sais pas. Plein de théories. Il va lui dire que il va lui montrer un film qui va le libérer, mais que à la place, il faudra qu'il livre Angela à Laurie. Parce qu'Angela a l'air de lui mettre des bâtons dans les roues. Bah, parce qu'il sait qui a tué. Oui. Il dit c'est elle qui a tué Judd, ou alors non, elle sait qui c'est qui l'a fait. Et puis il dit à un moment, je crois qu'elle, il peut pas justement la retourner ou quoi. Enfin, qu'il voulait à un moment essayer. T'es sûr? Non, il parle pas. Il me semble avoir entendu. Hein. Non. Ah, bon, c'est peut-être moi. Mais en tout cas. Qui veut la mettre de. Oui, sinon, il lui dit soit tu la livres à Laurie. Qui commence déjà à avoir des soit des on la tue ou soit je demande à mes amis je crois qu'il dit au connard raciste à côté mm-hmm. d'aller le buter elle et sa famille et toute sa famille ouais. Et donc là il va lancer le film mais n'empêche il n'hésite pas à buter ces connards racistes hein, ça, on peut le remarquer, rappelez-vous le cimetière hein. Et donc là il montre la vidéo et la vidéo qu'on va voir en fait il explique que c'est une vidéo qu'on lui a montrée quand il est rentré au gouvernement mm-hmm. Quand il est rentré au ministère du budget ou un truc comme ça. Ouais. Je sais pas si on montrera tous les gens qui rentrent dans le gouvernement ou si c'est juste quand tu rentres dans le budget. C'est peut-être qu'il ment, peut-être que c'est quand tu rentres dans le groupe du poulpe. Ah, peut-être, je sais pas. C'est une vidéo où on voit Ozymandias le 1er novembre qui explique au président Redford qui vient d'être élu. Je sais plus le donc c'est 5 ans ou 6 ans. Il lui dit pas plutôt que il va lui donner des conseils justement pour qu'il soit élu. Non, il dit qu'il est déjà c'est le jour de son investiture. Ah ouais. C'est une vidéo qu'il voit le jour de son investiture, mm-hmm. qu'il est le premier à le féliciter pour sa place de président. Mmh. Et lui dit, ah mais comment vous pensez que j'ai réussi à prédire que vous allez être président? C'est parce que je ne l'ai pas prédit, je l'ai planifié. Ouais. Et en fait, il lui explique que l'attaque du poulpe, c'est pas une attaque interdimensionnelle, que ça vient de lui. Mmh. Et que il veut que le président Redford soit son complice. Mmh. Pour créer une nouvelle utopie. C'est ça. Et il part aussi de maintenir la paix et qui lui dit qu'il va lui donner durant le reste de la vidéo des consignes précises à appliquer pour pouvoir mettre en place son plan. Mmh. Il parle d'utopie. Ouais. Il parle d'endiguer la violence. Et il confirme que les pluies de petits calamars, ouais, c'est lui aussi pour justement faire ce qu'on disait, un rappel. De ce qui s'est passé en fait. Hein. Mmh, mmh. Ouais, et ouais. Il parle aussi de calamarguette, on nous dit sur le. Il y a un truc avec l'écologie, dit qu'il veut. C'est peut-être pour ça qu'il y a plein de technologies qui manquent. Ouais. En fait, c'est Ozymandias qui filtre les technologies qu'il lui veut et pas. Mmh. Puisqu'on voit que maintenant toutes les voitures sont électriques et qu'il y a. Apparemment, ils ont vraiment mis en place ça. Mmh. Ouais. Mais du coup, cette vidéo, elle m'a rappelé, encore une fois, Lost, justement, le moment où t'as Locke, qui est un homme de foi, qui était à fond, et qui voit une vidéo où, en gros, on lui laisse sous-entendre que tout ce qu'il a cru, tu vois, le fait d'appuyer sur le bouton et compagnie et tout, en fait, c'est des conneries. Et tu vois, l'état de Wade devant la vidéo m'a rappelé, justement, l'état de Locke devant cette vidéo. Et d'ailleurs, derrière Ozymandias, on voit le calamar, on voit le poulpe géant, ouais, en tout cas. C'est vraiment marquant, cette vidéo. Et du coup, on va retourner chez Ozymandias. Scène assez courte. Sur le chat, il y a des magnifiques blagues sur les calamars. J'adore, bravo à vous. Mais priorité au résumé. Oui, mais il faut les applaudir un peu, ils sont en forme. Paul Amar, oui. Du coup, on va arriver chez notre ami Ozymandias, qui se fait catapulter en dehors de sa prison. En fait, on voit qu'il est sur une planète glacée. Ouais. Alors, je me permets d'attirer ton attention sur l'aspect vestimentaire de notre ami Ozzy, qui porte une charmante armure en fer forgé qui me fait encore une fois penser, par exemple, un peu à l'île mystérieuse à Jules Verne, dans sa constitution. Il y a un côté, Alex Langlegan, encore. Oui, aussi. Et on voit justement le symbole d'Horus sur lui, qui est un dieu qui te sert aussi pour tout ce qui est l'au-delà et compagnie, mais qui est aussi un dieu protecteur, sauveur et de guérison également. Donc c'est intéressant, sauveur, étant donné qu'il écrit Save Me D. Ok. Et du coup, on va le voir qui sort de cette prison, qu'il est sur cette petite planète. En face de lui, il y a Jupiter, apparemment. On m'a dit, ah merde, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Ça pourrait être Jupiter par rapport aussi à... Parce qu'en fait, sur le Discord, celui avait parlé d'Europe, mais apparemment, au vu des de l'environnement qu'on voit et au niveau des couleurs, ce serait pas Europe, ce serait un autre des satellites de Jupiter. Qui s'appelle... Attendez, je vais vous retrouver ça. Ouais, ouais. Mais après aussi, il y en a qui pensent que le fait qu'on voit Jupiter, ça serait un signe que ça serait Manhattan, donc qu'il l'aurait enfermé là, parce que le spectre soyeux, la mère donc de celle qu'il aimait au départ, la mère de Laurie, c'était Jupiter, le nom de famille. Donc ça serait un hommage aussi. Oui, il y a forcément un lien. Est-ce que tu veux que je dise ce qui se passe dans la scène tant que tu cherches? Ouais, vas-y. Alors du coup, on voit donc qu'il est sur cette planète et on voit en fait tous les clones qu'il a balancés qui sont là congelés, morts devant lui. Et la disposition des corps et le plan, donc je vous l'ai dit, rappelle ce qu'on a eu au début. Donc on a l'effet de miroir et il s'éclate lui sur la Lune. Il commence en fait à former un mot en utilisant les cadavres, c'est vraiment dégueulasse d'ailleurs. Et il écrit Save Me et la lettre D. Donc, j'ai rematé cet après-midi et je sais pas si c'est une lettre D ou si c'est en fait le reste des cadavres qui. Je pense qu'il y a juste marqué Save Me et le ce que tu crois que c'est une lettre D, c'est pas une lettre D en fait. C'est le reste des cadavres qu'il a mis comme ça. Je sais pas. Tout le monde voit D pour l'instant. C'est possible aussi. Okay. Hein. C'est bizarre. Ouais, ouais. Et donc, on en reparlera dans les théories, voir qui est ce fameux pas, D. Ce serait pas Europe. Parce que Europe est plutôt jaune, apparemment. Et ce serait Ganymède. Et Ganymède est plutôt grise. Ouais. Et ça collerait avec. Moi, j'ai des théories pour le D. On en reparlera. Ouais, c'est Dan. Merci, je t'en ai parlé juste avant. Mais où tu sors ça comme ça? Mais ça peut être plein de choses. Oui, non, mais quand tu m'as dit, direct, j'ai pensé ça. Peut être autre chose, j'ai une autre théorie aussi. D'accord. Mais c'est bien, James, qui sort ça comme ça. Donc, et Ganymède, c'est bah, comme Europe, qui est une muse qui s'est fait enlever par... comment ça s'appelle? Merde. C'est, par Zeus. Ganymède aussi. Ganymède, c'est un amant de Zeus. De toute façon, Zeus, il se tapait tout le monde, alors ouais. Je complique pas la vie. Ganymède, c'est un mec, effectivement, ouais. Mais qui était aussi amant de Zeus. Bah, Zeus, il s'en fout, il prend tout le monde, il a de l'amour pour tout le monde. Qui était en chanson des dieux. Et en fait, merde, comment ça s'appelle? Hera, qui était jalouse de lui. Bah, Hera, c'est simple, elle était jalouse de tous les amants et amantes de Zeus, alors te prends pas la tête. Enfin, bref. On va continuer. Et du coup, il est donc tiré par une corde et il est ensuite renvoyé. Ouais, donc il est tiré par une corde. Ah, bien sûr, avant, il faut dire qu'il y a un satellite justement qui capte le message. Ouais, ouais. Il est tiré par une corde. Et on va voir qu'il revient dans sa prison. Mais t'as vu ce qui est intéressant, c'est que pour sortir, il a été catapulté, mais quand il se fait tirer, il revient sur la Terre. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Bah, quand il veut sortir, il se fait catapulter vers le haut. Or, quand il se fait tirer. Bah, il revient directement sur le sol. Mais oui, mais parce qu'il retombe pas à la verticale, il retombe à l'horizontale. Mais oui, mais parce qu'il s'est fait tirer par le cheval en fait. On voit le garde-chasse qui tient la corde. Oui, non, mais il tire la corde, mais logiquement quand il est parti, la corde devrait être en l'air et pas vers le bas. Mais c'est ça qui est intéressant. Il s'est fait catapulter, donc il a tiré comme ça et après il s'est fait catapulter vers le haut. Oui. Et il se fait tirer de façon horizontale. Et bah oui, mais c'est normal. Bah oui, non, mais je trouve ça intéressant, c'est tout. Ah. Parce qu'on nous sait sous-entendre que peut-être ça serait au-dessus, tu vois, le truc. Ah oui, c'est vrai, c'est pas con. J'y avais pas pensé. Ouais, qu'il y ait peut-être une fin. Et regarde, quand il sort, on voit pas du tout où est le dôme. Ouais, quand il rentre non plus, ouais. Mm-hmm. C'est bizarre. Ouais, ouais. Et en fait, c'est le garde-chasse qui le... Ah, merci Sophie qui nous a enregistré son avis, nous l'a envoyé. Ah, cool. Je vais je le récupérerai après. Du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, on voit que le garde-chasse c'est un monsieur Phillips, comme je l'avais donc un des clones de donc c'est un des clones effectivement qui mais c'est la moustache, c'est pour ça qu'on le reconnaît et pas. Et d'ailleurs, il lui parle de enfin lui dit oui, vous allez être condamné enfin je sais pas ouais, trop vous à êtes quoi mis aux arrêts il le il l'emprisonne en gros. Il lui dit que Dieu vous garde, et là, Ozymandias s'énerve en disant « Mais votre Dieu, il vous a quitté, il est plus là, il est parti. » Et le garde-chasse dit « C'est vrai, notre Dieu nous a quitté, et il est pas prêt de revenir, mais on va devoir faire avec. » Et là, il donne un gros coup de pied dans la gueule d'Ozymandias. Et on revient... Mais du coup, est-ce que c'est vraiment un clone, ou est-ce que c'est l'original? Ah, peut-être. Ça pourrait être intéressant de se poser la question. Et du coup, on revoit Looking Glass, on le voit un peu déprimé de cette révélation, on voit plusieurs trucs, son boulot, après on revoit, je crois qu'il conduit. Mais c'est ça, c'est un homme brisé, c'est-à-dire que toutes ses croyances, tous ses trucs, bah, c'est des conneries, donc tout ce qu'il faisait pour se préparer, ça sert à rien. Du coup, bah, il a plus de moyens de pouvoir gérer son angoisse. Parce que même si c'était pas un truc interdimensionnel, ça reste qu'il y a eu une vraie menace. Et que je suis persuadée, quand tu vois la vidéo et que tu vois Keane, que ce sera pas la dernière menace. Donc, quand t'as un homme brisé comme ça, qui a plus de moyens de défense, bah, c'est affreux, quoi. Moi, j'ai mal pour lui, hein. On va le voir revenir au central. Là, on voit encore Panda et Red Scar qui discutent. Et ils discutent sur l'identité de Hood Justice. Et Red Scar dit, mais c'est obligé, c'est Manhattan. Ou c'est l'inverse, je sais plus. Et là, ils vont discuter avec Sister Knight. Ils vont lui demander pour les cachets. Elle va lui dire que c'est de la nostalgia. Et là, il va lui dire oui, je vais t'aider et tout. En fait, il va la pousser à avouer. Il lui parle de vérité. Il lui dit quelle est la vérité, quel est le machin. Et tu sens que il a besoin de savoir les choses. Pour prendre cette décision. Aussi, je veux t'aider. Je veux t'aider. Donc là, elle craque. Elle lui dit parce qu'on sent qu'elle était un peu. Même lui, il a besoin parce qu'il sait plus à qui il peut avoir confiance aussi. Et il a besoin d'entendre de sa bouche à elle aussi sa vérité. Donc là, elle lui dit, elle lui explique que c'est son grand-père qu'elle a trouvé au moment de que Judd était pendu, que c'est lui qui le dit. Et qu'elle pense pas que ça soit vrai, ouais, et qu'elle veut savoir. Mm. Et là, à ce moment-là, bah, comme Laurie, elle écoute toutes les conversations de machin, elle va essayer d'arrêter Angela. Looking Glass va s'excuser, va lui dire. Pardon. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait parce que c'était soit il fait ça, soit elle et toute sa famille est tuée. Je pense que pour la protéger, malheureusement, c'était la seule chose à faire. Donc on peut pas. Là, alors qu'Angela va se faire un peu mettre, il y a tout le monde qui arrive avec des flingues vers elle. Elle va. Je crois qu'elle. Elle avale mec. Toutes les pilules elle sans prend eau. Les pilules, elle avale toutes les pilules. Sans eau, moi je précise. Et ça a l'air de choquer tout le monde. Et donc là, on va voir Wade qui rentre chez lui. Une fois qu'il arrive chez lui en voiture, devant lui, il va voir le colis de DS. Et il va être énervé, il va vouloir le jeter. Et en fait, non, il va le récupérer. Il va rentrer chez lui. Et à ce moment-là où il va rentrer chez lui, il y a toute une bande de mecs de la 7e cavalerie qui vont arriver chez lui, armés, et qui vont vouloir rentrer. Et on entend de nouveau Caress Whisper. Ouais, pour le buter. Et l'épisode se finit. Sur ça. Sur ce suspense de fou. De fou, de fou. Du coup, attends, au niveau des easter eggs, est-ce qu'on a tout partagé? Je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais vu de pertinent. Si vous avez des easter eggs à partager, n'hésitez pas. Juste pour revenir sur les paroles, justement, de Caress Whisper, donc cette chanson de George Michael, je trouvais ça intéressant parce que ça parle de quelqu'un qui se retrouve brisé après avoir appris une terrible vérité, à savoir que la personne avait son meilleur ami, en gros, l'a blessé et en fait s'est tapé sa copine, si j'ai bien compris. Et donc ça parle de d'une personne qui est en grosse dépression. Il dit même à des moments ignorance is kind. Tu vois, il dit qu'il y a pas de confort aussi en apprenant la vérité. Donc, je trouve que on retrouve bien l'état d'esprit de Wade en fait. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. Quelqu'un qui dit que maintenant il dansera plus jamais, il vivra plus jamais. Enfin, c'est vraiment, tu sens la dépression. Donc, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir pris cette chanson là parce que ça lui donne un tout autre aspect que juste juste la perte d'un être aimé. Enfin, voilà, la trahison. Je trouve que c'est pas mal par rapport à Wade. Est-ce que tu veux qu'on écoute ce que vient de m'envoyer des neurises? On finit d'abord avec les théories du net et après on fait les théories normales. Et on mettra... Ouais, si tu veux, vas-y. Oui, donc du coup, les théories du net. Alors, les gens déjà, c'est... je lance les paris pour savoir si Wade va survivre ou mourir. Donc, on va en reparler dans nos théories. Vous nous direz si vous êtes mort ou vivant. Certains se demandent si, du coup, en voyant cet épisode-là, certains se demandent si notre ami Roro, tonton Roro, ne serait pas en fait vivant et dans une autre dimension. Non. Parce que à cause des des pouvoirs et tout. Moi, je pense qu'il est mort aussi, mais certains se sont interrogés en voyant l'épisode. Écoute, je ne sais pas. Alors ensuite, pour Ozzy, donc certains ont parlé justement de Jupiter et d'autres pensent toujours qu'il est dans une autre dimension et que le portail servirait peut-être à le ramener. Ah, peut-être, c'est pas con. Donc, une possibilité. Sinon, après, je crois que c'était, je sais plus qui dit ça dans le chat, il y en a qui se demandent si en fait le Garcha, ce ne serait pas Manhattan. Sous une autre. Puisqu'il dit que Dieu. Quand il parle de Dieu, il parle de Manhattan. Ouais, mais qui se serait déguisé pour pas que l'autre sache que c'était lui, pour pouvoir, tu vois, l'observer en fait. Je pense pas. Et ensuite, dans les autres théories du net, ça je l'ai dit. Ah oui, alors il y en a, j'ai vu une théorie super intéressante. Il y a quelqu'un qui parlait des clones et qui en fait pensait que tous ces clones qu'on voyait et tout, c'était des tests qui permettraient à Trio en gros de faire une sélection et de recueillir du matériel génétique de personnes à cloner pour après une future apocalypse, et du coup qu'elle garderait ça dans sa grande tour en fait, tout ce matériel génétique, et une fois qu'il y aurait eu un autre cataclysme, elle pourrait recréer en gros la vie en fait. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Voilà pour les théories du net que j'ai trouvées. Okay. Après, il y a des choses qui rappellent pas mal ce qu'on fait. Du coup, on va écouter le truc de Sully. Et puis après, s'il y a des gens sur le chat qui veulent venir en vocal partager vos théories avec nous, je pense à Sully ou à Asma, parce qu'on a des théories à raconter. Effectivement, Asma. Si Asma arrête de frotter son micro avec mais ses mains. Tu as fini de l'embêter. Oh, tu touches pas. Hein. Hello, James et Faye. Eh ben, c'est Eden Mori pour l'avis sur l'épisode 5. Alors, c'est un épisode très émotion parce que pour moi, Wade est mon personnage préféré et que je pense qu'il va très mal s'en sortir dans l'épisode 6. Voilà, mais c'est aussi un épisode waouh, qu'est-ce qui se passe avec, avec le sénateur. J'étais sûre, tu vois, il y a ce moment où tu te dis putain, j'étais sûre qu'il était impliqué d'une façon ou d'une autre. Et en plus, il y a un truc qui te fait dire, mais alors s'ils sont au courant du complot, pourquoi eux-mêmes, Dieu des sénateurs, ont comploté. Enfin, c'est un peu bizarre, les gens qui sont contre un complot et qui veulent. Même si j'ai l'impression que le sénateur veut provoquer un autre complot et qu'il est plutôt Team Ozymandias que Team Rorschach. Bref, voilà. Et puis, pour ce qui est de. Ozymandias, justement, bah. Que dire j'ai l'impression que son garde forestier, c'est un de ses clones, là, qu'on voit. Et en fait, que ces clones, c'est pas, peut-être pas des clones, c'est peut-être des créatures un peu comme, je sais pas, des fées ou je sais pas quoi. Et qui répond à des lois bizarres et étranges. Et clairement, qui est géré par Dr. Manhattan. Enfin, là, pour le coup, on voit Mars juste à côté. Et ils ont dit qu'ils ont été abandonnés par, entre guillemets, leur dieu. Donc, pour moi, clairement, évidemment, c'est Dr. Manhattan. Et du coup, ça veut dire que Dr. Manhattan n'est plus sur Mars. Donc, où est-il? Voilà, voilà. Et puis, bon, bah, je suis aussi un peu stressée pour Angela. J'espère qu'elle va s'en sortir. Voilà, voilà. Et dernier point, j'ai l'impression que le riz roule pour le sénateur. Voilà. J'espère que ce n'est que... qu'un jeu de masque et de manipulation et qu'elle roule pas vraiment pour le sénateur, mais bon, voilà. Qu'elle est pas forcément au courant de tout ce que fait le sénateur. Voilà, voilà. En tout cas, plein de nouveaux rebondissements, excusez-moi. C'est l'émotion qui me fait parler parce que je regarde l'épisode, mais genre, il y a moins de 20 minutes que j'ai fini l'épisode. Et je suis encore sous le coup d'émotion. Cette série, elle joue à chaque épisode avec nos émotions. À chaque épisode, il y a des retournements de situation. Il y a des choses qu'on pensait vraies qui, en fait, ne le sont pas. Et nouvelles briques dans un mur qui a l'air mais très fatou. C'est très intelligent. C'est très, très intelligent. C'est un puzzle gigantesque et ça fait du bien, ça change dans le paysage audiovisuel, donc c'est cool. Elle a dit c'est cool, voilà. Elle a dit c'est cool et elle a dit que Kin était un connard. Oui, en gros. En gros. Vous en serez plus en écoutant. Est-ce que on prend Sully ? Est-ce que Sully, t'as des moi, j'ai envie de discuter avec Sully de ses théories et d'astronomie. Hello, tout le monde. Alors, coucou. Ça va ? Bah bien, et vous, comment ça va ? Ça va, ça va, ouais. Ça va, ça va. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode ? C'était trop bien. Je suis arrivé à la fin, je suis resté devant ma télé, je me suis dit, non, encore, je veux savoir la suite. Mon Dieu, ça fait hyper longtemps que j'avais pas eu cette impression avec une série. Et franchement, c'est vraiment jouissif. Hein. On a envie d'avoir la suite... immédiatement, mais bon, il va falloir attendre lundi. C'est bien, lundi approche. Et il paraît que le suivant est encore plus dingue, donc... Wow. Ah bah, vu le trailer, on en parlera. Vu le trailer, ouais. D'accord. Le trailer donne très envie, très très envie. Voilà. Est-ce que tu as des points dont tu as envie de réagir dessus, revenir par rapport au récap, ou tu veux te lancer direct dans les théories ? Non, par rapport au récap, non, j'ai pas... Enfin, j'ai relevé à peu près tout ce que vous aviez relevé. Et j'ai pas à relever d'autres choses par rapport à ce que vous avez dit. Non, c'était très bien, bravo. C'était un travail de professionnel, n'est-ce pas ? Merci. Ah ouais, magnifique. Avec un fou rire en prime. J'ai fait ça il y a 10 ans. Ouais. Parce que j'ai acheté un nouveau stylo, je me dis, je vais utiliser mon nouveau stylo. Il va falloir acheter un demain, alors. Ouais. Du coup, est-ce que tu as des théories ? Oui. Donc, moi, ma petite théorie, c'est que, ou plutôt ma grande théorie, c'est que tout est basé autour de Lady Trieux. qui, à mon avis, donc, a vécu un traumatisme pendant la guerre du Vietnam et qui en veut énormément, certainement, Dr Manhattan. Et donc, depuis ce temps-là, elle fomente sa vengeance et donc met tout en place pour pouvoir l'exécuter. Je pense qu'elle s'est rapprochée de d'Ozymandias. Est-ce qu'il s'en est aperçu ou pas, ça reste certainement à découvrir. Et je pense qu'à un moment donné, Ozymandias s'est fait piéger, peut-être à son propre piège, par l'intermédiaire des téléporteurs, parce que je pense que c'est lui qui a créé. Et que Lydie Trieux a réussi à l'envoyer sur un satellite. Alors là, la grande discussion pour moi, c'est quel satellite est-ce ? Bon, alors déjà, premièrement, est-ce que c'est vraiment Jupiter qui est derrière ? Hein ? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de regarder une planète gazeuse dans un autre système solaire ? Ça, c'est une possibilité. Hein. Mais bon, imaginons que c'est Jupiter. Ah oui, donc, pour moi, là, j'ai re-regardé un petit peu cette partie-là de l'épisode. Oui, c'est moi le premier planète. Mon Dieu. Et le sol est gelé, hein, quand même. Hein. Le sol est bien gelé. Donc, tu parlais de Ganymède. C'est vrai, Ganymède, mais c'est plus un sol type lunaire, Ganymède. Hein, où tu vas avoir de la poussière au niveau du sol. Là, il n'y a pas du tout de poussière. Hein, c'est vraiment un sol gelé. Non, on dirait de la pierre un peu, je trouve. Comment ? Je dis, on dirait un peu de la pierre en quelque sorte, enfin des rochers, enfin quelque chose de très, très dur en fait. Mais des gros blocs de glace, hein, parce que attention, hein, sur Europe, la glace, elle est sur plus d'une quarantaine de kilomètres d'épaisseur. Hein. On n'est pas en train de parler de la petite patinoire. Du lac du Michigan, hein. C'est peut-être une... Bref. Pour les apéros, on est tranquille. Hein, comme ça. Exactement, là tu peux faire des okay. Des cubes. Parce que moi c'est Damien de Comics Discovery qui me disait que merde, je sais plus qui. Que Europe était plus jaune et que là c'était plus gris, donc il pensait que c'était plus. Non. Alors sur les photos, mais de toute façon, si tu re-regardes le passage de la vidéo, on voit que le sol n'est pas d'une couleur homogène. Hein. Et donc, il y a un petit peu de couleur plutôt marron. Mais en fait, Europe, sur les photos, ça dépend des photos que tu regardes, va voir sur Internet. Tu peux avoir des photos où, effectivement, on a cette impression à des endroits un peu marron. Mais sinon, quand tu as des photos prises par les satellites récemment, enfin dans les années 2000, c'est vraiment un gros bloc de glace. Hein. C'est un truc. Voilà. Okay. Donc Europe colle plus à... Ouais, pour moi ça collerait plus. Alors attention, hein, parce que Jupiter a plus de 66 satellites différents. Donc est-ce que ça serait... On est en train de parler des quatre principaux, hein. Europe, Callisto, Io et Ganymède, c'est les quatre satellites les plus gros de Jupiter. Donc c'est les quatre satellites principaux. Mais on en a plus de 66 des petits corps qui tournent autour de Jupiter. Donc ça pourrait être un corps plus petit, dont le nom serait... Ozymandias. Voilà. Ozymandias. Okay, c'est pas mal. Ouais. Et pour revenir sur Lydie Trieux, moi je me demande si elle aurait pas eu une histoire avec Ozymandias et que au bout d'un moment elle aurait eu peur de son plan, de ses ambitions et que peut-être justement elle aurait pris du recul et serait en train de faire autre chose avec Will par exemple. Parce qu'il y a des choses, tu sens qu'il y a le fait qu'elle ait une statue et tout, je pense que peut-être, tu vois, elle a eu peut-être des sentiments amoureux ou peut-être, tu vois, genre comme une disciple. Mm-hmm. Et qu'au bout d'un moment, peut-être, tu vois, elle aurait eu peur et elle aurait pris du recul. Parce que quand on voit les mots d'Ozymandias, c'est quand même super extrême et tout. Et quand on voit Kin qui réagit à ça, on sent très bien que le mec... Il se dit, il a parlé pour avoir la paix, pour être président, il faudrait que j'en fasse la même chose. Ouais. Et elle, de son côté, elle a l'air plus, tu vois, plus zen, plus dans j'essaie de préparer quelque chose, il y a un plan, il y a un truc. Bah, c'est mais l'asiatique. Pas le même sentiment. La femme fatale asiatique par excellence, hein, qui ne divulgue rien de ses plans, qui garde tout pour elle, qui est impassible. Oui, effectivement. Ouais. Bah, après, ça pourrait très bien être elle qui est enfermée aux Ozymandias. C'est-à-dire que depuis le début, on est à fond sur Manhattan parce que. On a envie de le voir, mais peut-être que voilà, Manhattan, c'est pas lui, c'est peut-être Trio qui l'a enfermé. Ouais. C'est une possibilité. Après, on parlait du Save Me avec un possiblement D. C'est vrai que moi, je pensais à Dan, donc le hibou, sachant qu'il bosse pour le gouvernement. Après, on peut chercher autre chose. Peut-être qu'il a donné un surnom à Redford aussi, peut-être qu'il l'appelle Dédé. Je sais pas. Hein. Je suis pas d'accord avec ce que dit Xavier sur le. C'est pas un qui dit que. l'image de la c'est ce que disait la semaine dernière Aurélien, Lady Trieux, elle a cette image, c'est dans la pop culture de la femme asiatique froide et calculatrice. Ouais. Bon, c'est pas... Bah, Bob Moran. Oui, il avait cité l'exemple de Bob Moran, oui, exactement. Oui. Mais après, moi, je parle en tant que femme tout court. C'est-à-dire que, surtout si Ozymandias, il a essayé de former une secte, ou je sais pas, ou qu'elle ait eu un espèce d'intérêt amoureux pour lui, et qu'elle ait réalisé que ça allait pas, tu vois, ça pourrait être logique. Enfin. Mm. Figure de la pop culture. Ah, complètement, ouais. Oui, je pense que là, effectivement, on tape dans ce cliché-là, à mon avis. Ouais, mais je sais pas, je la ressens pas sur la même longueur d'onde que Kinon. Moi, dernière petite chose par rapport à. Vas-y. Par rapport à Manhattan. Moi, je pense pas que Manhattan va intervenir, ou alors très très peu, parce que Manhattan, il est tellement puissant qu'en fait, en un claquement de doigts, il résout toutes les. Enfin, tous les mystères, il résout tous les problèmes qu'on est en train de connaître là dans cette série. Donc, je pense pas que Lindelof et son équipe. Fasse intervenir vraiment physiquement Manhattan. Je pense que, enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. J'espère que ça restera cette image un petit peu de Dieu, un petit peu toujours présente. L'épée de Damoclès. Ouais, toujours présente dans les dialogues, toujours présente. Est-ce qu'il va intervenir ou pas, mais finalement jamais réellement là. Voilà. J'aimerais bien. Je préférerais que ça aille dans cette direction-là, qui est une autre résolution. Priorité au chat. Priorité au chat, Xavier qui nous dit que peut-être Lady Trieux, de par son habillement, serait peut-être brûlée. C'est pas mal ça comme idée. Ah ouais, pas mal. C'est pas mal du tout, ouais. Et d'ailleurs, je vois qu'on parle du rêve de la fille. Alors justement, en lisant, du coup comme ça tu pourras nous dire ce que tu en penses, en lisant donc sur le Pitipédia, il y avait donc un truc sur les fameuses pilules, donc Nostalgia, et il disait que en fait, ces pilules-là, donc ça servait à mettre ses souvenirs, les souvenirs souvent les plus douloureux, les plus marquants. Et en fait, ça disait que si tu prenais ces pilules et que t'étais enceinte, et ben le fœtus pouvait en fait choper les souvenirs. Mmh. Et du coup, j'ai pensé à la fille de Lady Trieux, et du coup, je me suis demandé si Lady Trieux, bah, pendant qu'elle était enceinte ou un truc comme ça, elle aurait pas pris ces pilules-là, soit pour transvaser des souvenirs, soit pour autre chose. Et du coup, sa petite aurait ses souvenirs. Et du coup, je me demandais si, par exemple, dans sa famille... Après, je te laisse la parole, James. Mais si, en fait, tu vois, vu que Lady Trieux, elle est à fond sur une guerrière vietnamienne et tout, est-ce qu'en fait, tu vois, cette famille-là aurait pas l'habitude de partager ses souvenirs de génération en génération? Ah, c'est pas con ce que dit Xavier. Et du coup, voilà. Là, il parle de l'intraveineuse, et c'est peut-être les souvenirs qu'ils ont dans l'intraveineuse. Aussi, ouais. Ouais, mais est-ce que ça serait pas Lady Trieux qui aurait inventé ça aussi? Ben on l'a dit dans l'épisode d'avant qu'elle a bossé, qu'elle a fait son beurre avec la pharmacologie. Donc, ouais. La pharmaceutique, excusez-moi. Mm-hmm. Donc ouais, ce serait peut-être. Oui, c'est possible, c'est possible. Bon, c'est après, possible. Tu vois, je me demandais si justement il y aurait pas ce. Moi, je le me fait si de c'est transmettre... pas les souvenirs de sa mère plutôt, la mère de Lady Trieux. C'est ça, et qu'elle les prend et ainsi de suite. Et du coup, il y aurait ce côté, je transmets l'héritage, parce qu'elle part beaucoup d'héritage dans le sang, un truc comme ça. Transmettre les souvenirs pour ne jamais oublier les affronts qu'on nous a fait, tu vois, pour. Le côté vengeance, et je trouvais ça pas mal. Et justement, ouais, il disait que dans le truc sur les pilules, il disait que justement, les pilules, ça te rendait psychotique. Et dans la description, je trouve qu'on trouve pas mal des éléments du trailer. Donc, on en reparlera. Ouais. Mais ces pilules sont intéressantes. Du coup, je voulais te demander, toi, Sully, qu'est-ce que tu penses, en fait? Est-ce que tu penses que le grand-père d'Angela voulait qu'elle avale ces pilules pour voir ses souvenirs, voir quelque chose? Enfin, quel rôle, toi, tu leur donnerais à ces pilules-là? Oui, je pense que c'est ça. Je pense que le grand-père veut absolument qu'Angela puisse voir ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on va le découvrir dans le prochain épisode, qui permettrait effectivement qu'Angela rejoigne quelque part son camp, rejoigne sa cause. Mais alors, qu'est-ce que c'est là? J'avoue que désolé, je crois que je vais laisser Asma certainement nous expliquer les tenants et les aboutissants. Voilà. Mais moi, je me demande si ça va pas révéler justement Angela quel rôle elle doit tenir. Peut-être qu'elle est elle-même un clone de quelqu'un et qu'elle va retrouver des souvenirs. Peut-être que justement, comme tu le disais, en voyant d'elle-même. ça va pousser à voir quelque chose. Moi, je voyais plus par rapport à mais c'est possible, on en est. Ouais, non, mais peut-être que. Tu penses quoi par rapport à la temporalité? Attends, ça a coupé est-ce là. Est-ce qu'à ton avis, Ah. Qu'est-ce que tu penses par rapport à la temporalité? Est-ce qu'à ton avis, toute la narration qu'on voit, elle se passe au même moment avec le même... Ah non, Ozzy, par exemple, ce qui se passe avec Ozzy, c'est clair que ça s'est passé il y a un moment. Hein. Vu qu'il y est resté plusieurs années, on voit par l'intermédiaire du gâteau qu'effectivement, on en est à la 4e ou 5e année, je ne sais plus. Donc non, on n'arrête pas de voyager dans le temps. Bah ça c'est très Lindelof aussi. Hein. Il nous le dit pas, mais je pense que on voit pas les choses qui se produisent simultanément. Et ça c'est sûr aussi. Alors ça, il y a une énorme théorie. Ouais, ouais. Je repense à la statue de Lady Trieux, ouais. Où Ozzy est vieux. Et si en fait Ozzy il était mort, c'est-à-dire que là on le voit il essaie de s'échapper, mais qu'en fait au final on se rend compte que dans la temporalité d'Angela et compagnie, en fait, il est mort. Ah, c'est possible, ça. Et ouais. Que du coup, tu vois, on croirait que c'est lui la menace, et finalement, ben, on verrait que c'est pas lui, que ça se joue entre Trieux et Keane, en fait. Ah ouais, ça serait excellent. Lui, il ça. Va peut-être, tu vois, il va être un peu Ozzy, comme la brique, en quelque sorte, aussi. Ouais, ouais, ça serait un élément déclencheur de quelque chose, mais en fait, au final, ben, ça serait pas lui. Ah, quoi. J'aimerais beaucoup et je ça. Je vous rappelle qu'on n'en sait toujours pas plus sur la... Sur le truc qui est tombé dans l'épisode oui, d'avant. Oui, ça aussi. Oui. Dans le champ. Oui. On n'a pas eu de nouvelles de ça. Non. Mm-mm. Je sais pas qu'est-ce que ça peut être. Ouais. C'est vrai que là, on n'a pas eu trop d'indices. On pensait à Will, on pensait à Manhattan, on pensait à Ozzy. C'est vrai que c'est quelque chose de complètement différent et ça va nous emmener vers une saison 2. Voilà. Ouais, ou peut-être c'est un élément de ce qu'a prévu Keane, peut-être, qui doit arriver dans 3 jours. Rappelez-vous que dans 3 jours, oui, il y a parce ça, que c'est ouais. quelque chose, peut-être même 2, même, je sais pas, mais c'est quand même terrifiant. Je pense ça. Que les 3 jours, ce sera la fin de la saison 1. On va être, mais ça va être terrible, mon dieu, je veux pas. Ouais, ouais. Ah, Asma nous dit qu'elle a peut-être attrapé Ozzy et il est dans la statue. Ouais, c'est pas mal aussi comme théorie. Quoi, celui de, est-ce que t'avais d'autres trucs à ajouter? Non, voilà, c'était parfait. Comme toujours, n'est-ce pas? Non, j'ai rien à dire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bah, c'était cool, en tout cas. Je vais passer le micro à quelqu'un d'autre. D'accord. Bah, n'hésite pas à intervenir dans le chat si t'as des ouais. d'autres Mais merci idées. À toi. Merci à toi. Pour... Ouais, merci encore d'être avec nous. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt. Ça fait très plaisir. À bientôt. À bientôt, bye. Bye. Paf. Je le rends muet. Alors, qui veut participer? Est-ce que Xavier, tu veux... Alors, Xavier, après Asma, pardon. Tu veux passer après Asma? Parce que tu es vraiment sûr de vouloir passer après Asma? D'accord, oui. Après oui. Asma. Du coup, ça va, Asma? Ça va très bien, et vous? Ça va. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode? Ah, bah nickel, hein, nickel. Franchement, chaque épisode est mieux que le précédent. On se dit, c'est pas possible, mais en fait, si. Ah mais c'est clair, ça monte en rythme, ça monte dans plein de choses. Et puis la psychologie, le travail sur les miroirs. Il y a surtout beaucoup de réponses aussi, c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a moyen. C'est vrai, à chaque fois on a des réponses, des trucs en plus. Ah, on n'entend plus maintenant. Non, j'ai arrêté de parler. Ah, d'accord. Vas-y. J'ai arrêté de parler, j'écoutais. Est-ce que t'as des théories à nous partager? Non, du coup je disais quoi, je sais plus. Ouais, que c'était cool, qu'on avait des réponses. Oui, c'est ça que j'aime bien. En fait, il y a des mystères, mais moi, j'aime bien quand j'arrive quand même à travers les épisodes à réussir à faire une théorie qui se tient, qui soit pas trop, trop loufoque, et puis qui voilà, que j'arrive à me projeter dans cette théorie, à me dire, ouais, ça peut se produire. Ah, donc t'as laissé tomber le truc sur Topher, alors? Ah, mais non, attends. Non, parce que dans cet épisode, on l'a pas vu, mais bon, c'est Topher. Faut jamais l'oublier, Topher. Mais peut-être que la lumière bleue, c'est Topher. Parce qu'en plus, il paraît être Topher Christopher, fils de Dieu. Dieu est pas là, il envoie son fils sur Terre pour... Moi, je reste sûrement Christopher. Pour aider. Allez. Du coup, est-ce que t'as des théories en dehors de Topher? En dehors de Topher? Oui, bien sûr, j'ai toujours plein de théories. Je voulais juste revenir sur 2-3 trucs par rapport à votre récap. Oui, ouais, vas-y. C'est pas grand-chose, mais c'était juste... par exemple, le fait qu'ils aient choisi un cactus sur le bureau de Wade, j'avais ouais. regardé un peu la symbolique du cactus, et le cactus, ça représente 2 choses. Il y a le côté un peu fragile, un peu... en fait, c'est comme s'il retenait les émotions, donc je trouvais que ça collait vraiment au caractère de Wade. Et c'est aussi... Ouais. Et ça représente aussi la protection et la sécurité. Et pour moi, c'était vraiment le côté Wade qui veut protéger Angela et en même temps Laurie aussi qui veut quelque part les protéger en les écoutant. Donc ça, j'ai bien aimé en fait ce choix-là en tout cas. Ah mais c'est une bonne... C'est vrai que c'est une bonne idée, franchement. D'ailleurs, en plus, dans cet épisode, j'aime bien plans, parce que ça... Enfin, on disait aussi sur Angela, sur toute la symbolique, que ce soit autour de son prénom, bien dans l'épisode dernier, quand j'avais parlé de l'arbre, du chêne, de la vérité, tout ça. Et j'ai bien aimé le fait que, justement, Wade, quand il l'a au téléphone, il lui demande à elle, particulièrement, quelle est la vérité. Comme si, en fait, c'était ça son rôle à elle dans la série. C'est vraiment, Angela, ça va être celle qui ramène la vérité, en fait, dans toute cette histoire. C'est la brique. Ouais, c'est la ça. Brique, et ouais. J'ai l'impression qu'elle le rassure quelque part aussi. Oui. Parce que tu vois, quand elle lui dit les trucs et tout, il sait quel choix il doit faire. Et il sait que bon, elle pourra s'en sortir. Donc, il choisit de faire ça pour la protéger. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'à la fin de l'épisode, ben, il n'abandonne pas sa machine. Et il la récupère parce qu'il a besoin de trouver une solution pour se protéger et continuer à avancer. Et je pense que c'est à cause d'Angela aussi, quelque part. Hein. Oui, c'est vrai, parce que quand il dit « j'ai pas d'amis », pour moi, Angela, c'est une sorte d'amie quand même. Ouais, mais seulement, il n'arrive pas à se le dire. Parce que, tu vois, regarde, avec les miroirs et tout, son image, il la déteste parce qu'il se dit « bah moi, je suis horrible, je suis nulle. Oui. Pourquoi est-ce qu'on voudrait être avec moi ?» Et finalement, le miroir aussi, t'as le reflet où on te dit « bah c'est le reflet de toi-même, donc tu es obligé de voir la vérité. » Mais t'as aussi les miroirs qui sont des illusions. Et ça aussi, t'as aussi la symbolique dans la série. Du miroir pour une double personnalité. Et c'est un peu aussi, ce qui arrive aussi à Wade, avec son côté Wade et son côté Looking Glass, en fait. Non mais exactement, franchement le miroir c'est super intéressant parce que ça reflète vraiment tout le personnage. Oui. Et ça nous permet, nous public, de vraiment le comprendre et finalement créer un lien avec lui qu'on n'avait peut-être pas au début. Oui, et vous avez parlé tout à l'heure, beaucoup dit même sur le chat, on a beaucoup dit qu'il y avait beaucoup de références justement au miroir, aux ondes et tout ça. Moi je trouve que, enfin oui, tout ça, mais je trouve aussi que dans épisode, reparle toujours dans notre théorie, il y a beaucoup cette référence, que ce soit l'héritage ou la fertilité. Tout ce qui est voilà, bébé, créer des vies, tout ça. Il y a beaucoup cette référence. Et déjà, c'était donc quoi ? C'était... Oui, du coup, j'avais fait mes recherches sur la copine de Wade, l'ex-femme de Wade, qui s'appelle Cynthia. Donc, j'avais recherché son... Et en fait, Cynthia, c'était un des surnoms qui était donné à la déesse Artemis, qui était une des filles de Zeus. De la chasse, c'est simple. Et elle, voilà, mais aussi elle représentait aussi, au-delà de la chasse, elle était beaucoup avec les animaux, tout ça, mais elle représente aussi la virginité. Et c'est elle qui aide, c'était celle qui aidait les femmes à accoucher, en fait. Okay. Sur le chat, il y a celui qui dit des bébés, le retour, c'est pour James. Mais ouais, non, mais c'est pas con, parce que tu vois, du coup, on retrouve ce que je disais avec les clones, là, cette théorie du net que je trouve plutôt intéressante, je suis plutôt d'accord. Le fait que, tu vois, recréer la vie, c'est intéressant parce qu'on a eu un premier drame où les gens ont recréé la vie. Et là, on nous laisse sous-entendre qu'il pourra en avoir un deuxième. Et du coup, je trouve que la tour de Lady Trio, ça pourrait avoir un côté un peu Arche de Noé. L'horloge. Ouais, l'horloge. Ouais. En plus, dans le truc, on te dit, il y en a. Tu vois, dans le truc des clones, il y en a deux à chaque fois. Et du coup, je pense à deux de chaque espèce. Oui. Puis, est-ce que tu allais chercher, du coup, je me suis dit... je vais pas aller chercher parce que je me dis, bon, c'est mal à rechercher. Ça va le faire. sur Europe. Oui, justement. Et justement, ce côté Europe, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Sully que ça m'arrangeait si c'était Europe, pour ma théorie. C'est que, vous en avez parlé un petit peu de l'histoire d'Europe. Comme quoi, elle avait été enlevée par Zeus parce qu'il avait eu un coup de cœur pour elle, tout ça. Et que pour l'enlever, il s'était transformé en taureau, en fait. Donc, elle s'était approchée du taureau. Et une fois qu'elle était montée sur le taureau, je rigole parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de faire des allusions bizarres. J'étais en train de penser au masseur de Jumanathan. Voilà. Mais en gros, le taureau, c'est aussi le symbole de la fertilité, encore une fois. Ouais. Donc, il y a toujours cette. Coup, ça veut dire que Manhattan. Qui revient. Manhattan serait le symbole de la fertilité. Et le bleu, c'est le. Et en fait, moi, je partais plus sur ma théorie vraiment. Moi, je mettais Jude, Keen et Ozzy ensemble. Et en face, Lady Trieux et Will. Et du coup, sûrement Angela et Laurie, une fois qu'elles auront pris via les pilules, en fait. Une fois qu'Angela, elle aura eu le message via les pilules. Je pense que, on parlait tout à l'heure de quelle idée, enfin, qu'est-ce qu'elle pouvait découvrir dans. Enfin, en ayant bu ces pilules. Moi, je pensais justement que forcément, on a vu un petit. Enfin, moi, j'ai vu le trailer, on voit qu'elle voit le passé. Alors, est-ce que. Moi, je me suis demandé, est-ce que c'est le passé de Will ou est-ce que c'est le passé de son père, Angela ? Parce qu'on a l'impression que Will, il n'en avait pas vraiment besoin de ces pilules et qu'il a bien fait exprès d'en parler à Angela, de les laisser dans la voiture. Lady Trieux a fait elle a redemandé à Angela pour les pilules. On a l'impression que voilà, le but c'était de la pousser. Oui, qu'elle prenne les pilules, absolument. C'est ça, de la pousser à les boire en fait pour qu'elle découvre la vérité. Et c'est pour ça que Will dans l'autre épisode disait quand elle va savoir, parce qu'il savait qu'elle allait savoir, qu'elle lui en voudrait. Donc je pense que ce qu'elle va découvrir déjà de un pour moi, c'est que Will, c'est lui le justicier masqué. Je sais pas si vous êtes d'accord. Je suis d'accord, je valide. Ah, moi je valide totalement là ce que tu dis, ça rejoint ce que je pense. Ouais, voilà, vous dites justice. Je pensais au garde-chasse, je me dis. Non. Ah, mais c'est sûr qu'elle va découvrir des secrets familiaux. Mais je pense que c'est lui, parce qu'on voit déjà, ne serait-ce que chaque fois qu'il apparaît, il a toujours les couleurs de les mêmes couleurs, en fait, que le justicier masqué. Et puis on voit, un mec qui se... Lindelof, il est fort pour les faux indices. J'ai pas entendu. Ouais, non, mais je trouve ça serait logique. Lindelof, il est fort pour les fausses pistes et les indices à la... Un peu, donc peut-être ouais, que mais ça serait logique, ça, James, je pense. Non, moi, je suis d'accord avec toi, je pense qu'elle va découvrir ça, puis je pense que ses parents, elle va découvrir la vérité sur leur mort, et moi je serais pas étonnée que ça soit lié tu vois au côté de Keane et tout ça, et que vraiment elle se rend compte le côté mensonge. Moi je sais et peut-être pas qu'elle si va c'est voir... lié à Keane, je pense que c'est lié au Vietnam plutôt, mais je pense oui qu'elle va découvrir des choses sur son père, sur Will, sur tout ce qui s'est passé au Vietnam et en quoi en fait, enfin moi j'ai l'impression que Will et Lady Trieux, en fait, qu'Angela a assisté petite à quelque chose et que Will et Lady Trieux ont effacé une partie de sa mémoire. Et je pense qu'à travers les pilules de son grand-père, elle va revoir la scène sur ses parents ou sur Cal. Oui, mais moi je pense aussi que son mari il a fait quelque chose. Je serais pas étonnée même qu'on y ait fait peut-être des expériences ou qu'elle ait vu Cal, un truc. Il a rien fait de mal. Bon, moi, Cal, perso, je suis carrément dans l'idée qu'il est mort durant cet accident et que Will pour c'est un clone. Ouais, et que Will pour protéger Angela, il a mis un clone, enfin il a demandé à les mais je pense que Cal, justement, il donne des infos à Will. De faire une pause. Quoi ? Et de dire la blague de Sully qui dit attention. Moi je cale sur Cal. On cale tous sur Cal. Il a raison. Non mais moi je pense que le Cal clone en quelque sorte, il donne des infos à Will sur Angela et il est un peu, tu vois, un protecteur d'Angela pour protecteur, pour, je sais pas parce que le jour de la nuit blanche là, on l'a pas vu trop. Oui, c'est un peu louche aussi, on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est clone, une top, c'est quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'il a pas su quoi faire à ce moment-là, parce qu'on voit bien que les clones. Mais c'est pas un clone. C'est un mec normal. On te dit qu'il a eu un accident au Vietnam, enfin il y a quelque chose. Mais moi, je pense qu'elle va découvrir que peut-être, tu vois, les parents de Keane, ou même découvrir que Jude, il était peut-être là. Tu vois, vu son âge et tout, il aurait très bien pu connaître ses parents. Et peut-être que, tu vois, un peu comme le comédien qui a tué plein de gens au Vietnam, peut-être qu'il était au Vietnam et qu'il a fait plein de choses. Ou, tu vois, peut-être qu'elle va découvrir un lien avec Ozzy. Parce que moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Ozzy, Keane et tout ça, ils sont liés et qu'on a Trieux, Will de l'autre côté. Et je pense qu'elle va se rendre compte elle aussi que tout ce en quoi elle croyait c'était faux et que on lui a caché la vérité. C'est justement ça le fait qu'elle découvre la vérité. On reste encore sur Angela égale vérité. En fait, c'est celle qui c'est vraiment ça va être son épisode là la semaine prochaine. Je pense qu'on va découvrir vraiment plein de choses sur ce qui s'est passé au Vietnam. Et ça va expliquer pas mal de choses. Ouais, mais tu vois, rien que le trailer et tout, moi, ça me ramène à Dune, ou je sais pas si t'as lu le livre ou vu le film, mais en gros les Bene Gesserit boivent l'eau de vie, ça leur permet de voyager dans le temps et elles voient ce qui s'est passé, elles voient le présent, le futur, le passé et compagnie. Oui. Et du coup, je trouve que comme Manhattan dans, qui va tout en même temps. Ouais, et je trouve que dans la mise en scène tout ça, en fait, par exemple quand une Bene Gesserit va pour devenir une révérende mère, donc obtenir plus de pouvoir et devenir en quelque sorte plus sage, elle prend ce rite et elle voit justement son histoire, elle voit le futur, elle voit plein de choses et c'est intéressant. Pareil pour justement le quand c'est un homme qui devient ça, donc Paul qui fait ça, c'est pareil, il voit son passé, il découvre son origine, oui. Donc des choses qui vont le choquer et tout, et du coup au final il voit la vérité, sur les complots, les choses qui l'entourent, et du coup il prend sa place et fait sa destinée. Et peut-être que Angela, c'est un peu un truc comme ça aussi, pour être intéressant. Ouais, ça serait attention, vous n'êtes pas prête pour Kin, faut arrêter de le taquiner. Mais oui. Mais Kin Kleenex aussi, moi je dirais. Mais Asma, elle relève même pas. Non, j'ai pas du tout entendu. Et celui a dit Kin, faut arrêter de le taquiner. Ça y est, je viens de lire. Parce qu'en fait, comme je suis sur téléphone, Ah oui, tu vois pas tout. Je vois pas tout, vu que je regarde mes notes justement aussi à côté. Donc à chaque fois, je passe sur mes notes, puis après sur le chat, puis. Pas mal. Mais du coup, Et du coup, tu penses quoi, toi, du téléporteur ? Est-ce que tu penses que c'est pour amener Ozzy ou pour amener autre chose ? Non, moi, je pense que c'est pour Ozzy et c'est pour ça que je pensais vraiment qu'ils avaient prévu leur coup, les trois, là. Jude, Kin et Ozzy. Du coup, je pense que Jude, s'il est mort, j'aimerais bien qu'il soit pas mort personnellement parce que j'aime beaucoup l'acteur et j'aurais bien aimé le revoir. Faire une apparition, tout ça. Mais pour rester sur ma théorie on a ce trio-là contre Will et Lady Trieu, du coup, je pense vraiment que Will aurait pu le tuer. Et je l'avais redit aussi la semaine dernière, la mise en scène, déjà, ne serait-ce que le fait qu'il l'ait pendu, le lien avec le justicier masqué, il y a déjà un lien. Ouais. Le fait qu'il lui manque une chaussure, tout ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose. Mais du coup, je pense que ouais, leur but, en fait, on sait que Ozzy, il n'arrête pas de dire que il veut, il parle de contrôler un petit peu les gens par la peur, comme ce qu'il a fait avec justement. Et je pense qu'il a un peu convaincu que Jude et Kin, ils sont avec la même envie, en fait, le même besoin de contrôler en fait les gens par la peur. Donc, Kin veut tout faire pour être président. Jude, il était avec lui dans le plan. Donc, comme il l'a dit, c'est pas vraiment pour la paix, mais c'est pour dominer. Ouais, ouais. Et donc, Ozzy, le vois bien avec eux. Et il dit qu'il veut créer son utopie. Et je pense que son utopie, elle passe par le fait, justement, de créer ces bébés-là, les clones et tout ça. Je pense pas que ce soit Trieu qui ait créé cette technologie de cloner, d'amener un bébé comme elle a fait chez les Clark. Je pense que ça vient d'Ozzy et que c'est pour ça qu'il l'a refait, qu'il a reproduit cette création dans son monde, là où il est actuellement. Mais après, il faut pas oublier que Lady Trieu, justement, a racheté les entreprises, en gros, de Ozzy. Donc, elle peut très bien avoir récupéré. Oui, ça, oui, elle a récupéré. Elle a bien ça, récupéré. Mais pas inventé. Justement, quand Kin dit qu'à travers le portail, quand il explique à Wade, il dit « on va faire plus ». On va faire quelque chose de jamais vu. Et je me dis, est-ce que le plan, c'est pas justement de ramener Ozzy pour faire une sélection, ce qu'on disait tout à l'heure, une sélection vraiment dans les êtres humains, et vraiment remplacer par des clones, en fait. Et les clones, on peut les diriger comme il fait avec comment elle s'appelle, la Cochrane ou je sais pas quoi, et Philips. Oui, créer des gens un peu obéissants. Et je pense que Lady Trieu, elle veut sauver l'humanité. Il me semble, si je ne me trompe pas, que dans le trailer de toute la série, à un moment donné, c'est bien elle qu'on voit qui dit « Je suis là pour sauver l'humanité et on va commencer par tout le ça. » Oui. Oui, oui. C'est oui, ça oui. Donc je pense vraiment je me rappelle de cette phrase. Ouais. Elle sait qu'il veut remplacer les gens par des clones et que son but c'est Et c'est pour ça qu'elle pouvait plus le suivre. Mais Ozymandias, on voit bien qu'il déteste, puisqu'il arrête pas de leur dire qu'ils sont nuls et qu'ils sont mal finis et tout. Et à mon avis, ces clones là qu'on voit dans le truc de Ozzy, c'est clairement une création de Manhattan. C'est Manhattan, mais bah, sauf qu'il Manhattan est parti. Manhattan n'a pas d'humanité, donc il peut pas insuffler l'humanité dans ses créations, en quelque sorte. Ouais, ouais, je sais pas. Après, moi, je vois vraiment plus, là, le docteur Manhattan. Peu... Moi non plus. Je le vois plus, et justement, ce qui me fait... ce qui fait que je le... Enfin, juste, il y a un truc que je veux dire, parce que sinon, je saute du coq à l'âne. Mais il y a une chose qui a été importante, enfin, que j'ai trouvé. Quand Ozzy se retrouve éjecté sur la planète, enfin, sur la Lune ou Europe, quand il met son truc là de sa combinaison, il a une fleur rose au niveau de, enfin il a accroché une rose rouge. Je sais pas si vous avez capté. Ouais, c'est possible. Ouais, j'ai pas fait attention. Non. Si, je pensais que c'était un foulard, mais tu dis que c'est une fleur. Enfin, moi j'ai vu une fleur. Mais après, voilà, je sais pas, j'ai peut-être pas bien. Je peux me tromper, mais j'ai fait une toujours et. On nous confirme que c'est une rose. C'était une rose, bon, bah, c'est bien. Et donc, c'est bien une rose rouge. Et en fait, il y a une signification. Enfin, moi, j'ai vu quelque chose de significatif derrière. C'est que Lady Trieux, vous faites une rose. Déjà, elle est toujours en blanc. Vous avez remarqué ? C'est la couleur. Ouais. Sa couleur, c'est le blanc. Et si tu fais une recherche sur Lady Trieux, la vraie. Enfin, il y a vraiment eu une personne, légendaire ou pas, qui s'appelait Lady Trieux, une vietnamienne. Et elle était surnommée la Jeanne d'Arc du Vietnam. Et, oui. Et en fait, Jeanne d'Arc, elle a aussi, c'est aussi le nom d'une rose bleue. Et en fait, le truc de la rose rouge et de la rose bleue, c'est un peu... est-ce qu'on peut dire que voilà, c'est Jeanne d'Arc qui se bat contre les Anglais, et les Anglais ici étant représentés par la rouge, sont des langues. Leur emblème. Ouais, donc du coup, ça voudrait dire qu'elle est contre Ozzy. Qu'elle est contre Ozzy, en fait. Et d'ailleurs, après, je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Xavier sur les brûlures de l'éditeur. Et je trouve que ça colle bien avec Jeanne d'Arc qui a fini brûlée. Ouais. C'est pas mal. Mais après, du coup, le blanc, alors je sais pas si. Enfin, je sais qu'au Japon, le blanc, c'est pour le deuil. Le deuil. Mais du coup, je sais pas au Vietnam si c'est pareil, mais non, du coup, ça pourrait si être intéressant aussi, tu vois, le côté souffrance d'avoir perdu peut-être sa famille et tout. Il y a aussi un côté pureté au blanc. Donc, faut. Ouais, il y a aussi le côté pureté. Ouais. Faut voir. Après, peut-être que la famille de Angela et de Lady Trieux sont peut-être liées. Peut-être que. Après, on sait pas, on n'a pas vu comment sont ses parents, peut-être qu'elle est métisse. Je sais pas, peut-être que j'en sais rien, mais peut-être qu'il y a un lien entre les deux familles ou que les deux familles étaient amies ou si, il me semble qu'on ont vécu un drame ensemble. Dans l'arbre où il y avait quelqu'un qui était si, on a vu ses parents. Aussi. C'était pas ses grands-parents qu'on non, a non, il y avait ses parents. Non, on a vu ses parents et on a vu son. Ah bah j'ai pas fait gaffe. On a vu Will, enfin on a vu la mère de la femme de Will et on a vu ses arrière-grands-parents. Ok, j'avais pas fait gaffe. Mais du coup peut-être que les deux familles sont amies et qu'elles ont vécu quelque chose ensemble aussi. C'est possible qu'elles se connaissaient, que c'est là que Will a rencontré. Non, donc je disais dans le livre 20 milieux sous les mers, Nemo c'est une personne qui vivait sur Terre et qui a été dégoûtée en fait de tout ce qui se passait sur Terre. Par l'humanité. Voilà, et qui a décidé de vivre dans ce gros sous-marin, le Nautilus, et qui a décidé qu'il allait abandonner l'humanité. Je trouvais que ça faisait beaucoup référence au docteur Manhattan qui partait sur Terre. Et en plus, on n'a pas arrêté de dire oui, votre Dieu vous a abandonné, blabla. Donc je trouve que ça faisait beaucoup référence à ça. Et le personnage, c'est Ned Aronnax, je crois, qui pourrait... De quel personnage ? Le personnage dans 20 milieux sous les mers qui découvre, en fait, qui va dans le... qui va dans le Nautilus. Voilà, et qui se fait aider par Nemo, puis à la fin, il se fait jeter, en fait, son servant, en fait, il avait un servant qui était avec lui. Et il se fait jeter par Nemo sur une île déserte avec son... Est-ce que ça pourrait pas être le servant ici? On pourrait voir comme Philippe, et aussi le clone, le serviteur. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. En plus, il me semble que dans 20 milieux des mers, justement, Nemo, il coulait des bateaux de guerre. Oui. Il me semble aussi. Donc, du coup, peut-être, tu vois, s'il y a des créatures, des trucs comme ça, parce que cette fois-ci, il peut aussi ne pas laisser faire. Oui, c'est... Enfin, je sais pas. Après, c'est vrai que... Pardon, vas-y, tu disais quelque chose. Non, c'est pour ça que, à la fin du livre, on sait que Nemo, il va pas aider celui qui s'appelle Ned. Et il décide vraiment non, moi j'ai abandonné. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que non, on va pas voir Dr. Manhattan, ou alors peut-être dans le tout dernier épisode pour une sorte de cliffhanger pour la saison 2. Mais après, Nemo, tu le retrouves dans l'île mystérieuse aussi. Ah bah, non, mais c'est la suite. Parce que dans l'île mystérieuse, on a des gens qui échouent sur une île. Et ils rencontrent Nemo à un moment. Et en fait, l'île, elle va commencer à partir en couille parce qu'il y a un volcan et tout ça. C'est la fin du monde. Ouais. Et du coup, Nemo, il se trouve obligé, en fait, et pour sa survie à lui, mais aussi, il se retrouve, en fait, en quelque sorte, obligé de renouer avec l'humanité et de travailler avec ces gens-là et de partir à bord du Nautilus avec eux pour fuir l'île. Oui. Donc, comme tu dis, peut-être qu'il arrive en fin de saison, peut-être que justement, on va avoir ce cas de figure où Manhattan va se retrouver obligé d'aider des personnes, mais aussi de revenir parce que c'est la fin du monde et que peut-être il peut être touché par ça d'une façon ou d'une autre. Quoi. Donc, c'est possible. Mais tout à l'heure, on parlait de ce qui était tombé des Clark. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on n'a pas d'informations. Et comme on a parlé aussi tout à l'heure de la temporalité décalée, ce qui se passe chez Ozzy et ce qui se passe sur Terre, je me suis dit justement, ce qui est tombé de. C'était pas justement Ozzy qui avait réussi à revenir en. Est-ce que Lady Trieux, elle savait pas, via son horloge, elle un petit peu le futur, elle savait pas que il allait arriver. Alors on n'a rien entendu, ça encore a coupé. Ah, c'est les licornes. Ah ouais, non mais. Non, je disais. Donc tu disais qu'elle pensait que Ozzy revenait. Je pensais qu'en fait, vu qu'on a une temporalité décalée, je pensais que ce qui se passait actuellement planète d'Ozzy, c'est des choses qui se passent avant ce qui se passe sur Terre. Oui, bah oui. Voilà. Et comme Lady Trieux, on a vu son passage chez les Clark avec le bébé, tout ça. Est-ce que ce moment-là précis, vu que c'est dans le passé aussi, c'est le passé de Lady Trieux, est-ce que ce moment précis-là, c'est pas le moment où Ozzy réussit en fait à revenir sur Terre? Possible, et elle le sait via son horloge, et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, est-ce que c'est pas Ozzy qu'elle a récupéré et qui est dans cette statue en or bloquée parce que c'est un peu chelou, pour pas quoi, qu'il fasse c'est un peu du bizarre mal. Sa statue comme ça là, en plus vieillie, Angela elle lui dit bien pourquoi vous l'avez représentée comme ça. Mais moi je trouve que ça donne un côté mausolée en fait, et du coup je me demandais aussi. Si quelque part il serait pas mort et qu'elle aurait fait, tu vois, une espèce de. En tout cas, on part du principe que vu qu'elle l'a représenté en vieux, avec son déguisement en vieux, on part du principe qu'elle l'a forcément vu, en fait. Ouais. Donc, ouais, parce que même avec des logiciels et tout, tu peux pas avoir exactement. Donc c'est ça, c'est ça. Et puis. Bon vieillissement. Et même pour les planètes, moi je trouvais que l'horloge Millennium. Millénaire. L'horloge millénaire, elle a, tu regardes tout en haut, elle a une forme un peu de planète, c'est arrondi, il y a un peu comme des anneaux autour, ça fait un peu planète. Ouais, il y a des gens qui pensent à Saturne, des trucs comme ouais, ça. Ouais, voilà, Saturne, je crois qu'il y a Neptune aussi, si je ne me trompe pas. Dommage, celui-là est parti, j'ai dit. Ouais, il ne pourra pas nous dire. Mais il me semble qu'il y a aussi Uranus, Neptune, je ne sais pas. Bon, il y en a une autre qui a des... Et c'est possible en fait aussi que nous on voit une planète, mais qu'en fait il soit bloqué à cet endroit-là peut-être. Possible. Et hein, que le but de la téléportation du portail, c'est de le faire sortir de là. Peut-être. Mais en plus, tu vois, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on voit pas le. Tu vois, quand il est à l'extérieur, on devrait apercevoir le dôme. Si le dôme est sur la même planète ou s'il est au-dessus ou en dessous, je sais pas. Et on le voit pas du tout. On voit pas, ouais. Donc, du coup, c'est ça qui me. Il y a un vrai mystère. Toi, tu dis, mais d'où il vient? Alors après, je sais pas, j'avais envie de faire une relation avec une autre série qui est en train d'être diffusée aussi sur OCS, mais ça serait du spoil, donc tu sais, je voulais faire avec La Croisée des Mondes, avec ça. Ah mais non, on va pas spoiler. Ah non, voilà, donc on va pas spoiler. S'il te plaît. Non. Bon, on dira rien. Mais ceux qui connaissent le bouquin, je pense que vous voyez de quoi on parle. Bon, voilà, j'ai fini mes théories. Mais du coup. c'est cool. Mais du coup, toi, tu penses aussi que Keane, il veut quand même refaire quelque chose. Je t'ai pas entendu, je pense à quoi? Dans le même style. Non, je dis pour Kin, t'es quand même d'accord qu'il sous-entend qu'il va faire quelque chose dans le même style que le poupe, quand même. Oui, oui, oui. Là, c'est sûr, il a un plan plus flippant même que celui d'Ozzy, je pense. Il a pas de, ouais. il a pas d'état d'âme, lui. On voit bien qu'il est prêt à tuer les gens pour son propre. Il est prêt à tuer 3 enfants, donc on a compris. Ouais, ouais. Mais après, je me posais une question. Est-ce que ça serait pas un clone et qui voudrait justement chier. Non, mais parce que ça expliquerait pourquoi il a pas de ressenti et que peut-être il veut une planète remplie de clones. Non, quand même. Je pense pas que ce soit un clone. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils veuillent recréer comme ils ont déjà créé des chiens. Je sais pas. Ouais. Un choqué, c'est pas ça. Je crois que les bébés, ils les mettent au feu. Bah oui, les bébés, ils les mettent au feu. S'ils sont pas bien faits, ils les mettent au feu aussi. Bah sûrement. Hein. Parce que du coup, ça veut dire qu'elle déconnait pas quand elle disait « Si vous voulez pas du gamin, je vais le détruire. » Qui ça ? Non, ouais. Mais moi, j'y ai pensé. Hein. Tu sais, les Trieux, Trieux... Elle le dit dans l'épisode d'avant. Non, l'épisode d'avant. Tu sais, les Trieux, quand elle donne le bébé à la ferme. Ah oui. Elle dit « Si vous en voulez pas, je le détruirai. » Ah ouais, et elle disait « Ah, je blague. » Vu ce qu'ils ont fait aux petits chiots, ouais, non, je pense. Bah ouais, je pense que c'est possible. Hein. Putain, ça fait peur. C'est qu'un chien. Il est moche. Non, c'est... Mais tais-toi, ouais, il était trop mignon. Pas les animaux, pas les enfants. Ah mais non, pas les animaux. Les clones, oui, d'accord. On les laisse tranquilles. Les clones, on s'en fout, mais alors tout ce qui est bébés animaux, les bébés normaux... Les Philips qui n'ont rien demandé. Eh bien, Monsieur Philips, je pensais, franchement, c'est un personnage... Pour moi, j'ai l'impression qu'il va avoir un sacré rôle en fait. Parce que déjà, c'est un acteur qui est connu. Un acteur qui, en général, dans les séries, il a un rôle assez leader et tout ça. Donc là, le fait de se coltiner juste le clone qu'on tue, qu'on retue, je me demande s'il n'y a pas justement un twist avec lui. Bah le clone féminin, il a pas ce... On le voit moins. Enfin, il a pas cette même mise en avant. Ouais, c'est ouais. Ça, on le voit mais beaucoup. Du coup, moi, je me dis, on parle de clone, mais il faut un matériel original pour pouvoir cloner. Donc peut-être que celui qu'on voit à la fin, c'est l'original. Mais je sais, ah bah, bravo, moi, j'avais vu sur Internet, mal en direct. Il y avait beaucoup de gens qui disaient que ça serait les clones, enfin les deux, des parents du docteur Manhattan. Ouais. Ah ouais. Ah, mais on dirait Manhattan, hein. On dirait John Ostrander... On dirait quoi ? Un peu, il a un peu la même tronche que dans le comics, je trouve. Ah bah voilà, moi j'avais lu ça sur... Ouais. Je trouvais ça pas impossible. Moi je pense que ça pourrait être... Enfin, je sais pas où t'en es dans le comics, mais... John Ostrander, donc Manhattan, et sa première femme, celle qui a un cancer... C'est Janet, que ça veut dire. C'est Janet, ouais. Elle ressemble un peu, je trouve. Bah c'est ça que j'ai... Mmh. Ouais, mais ça serait bien qu'on ait un peu plus d'infos, voir un peu d'où ils viennent, de qui sont-ils clonés, enfin... Oui. Ouais. Plein de questions encore. James est en train de se vider de son sang. Tu veux pas te chercher un truc, tu veux nous en mettre partout. Ouais, attends, il s'est écorché et il est en train de saigner. C'est l'émission de tous les dangers. Va te soigner parce qu'il va nous en mettre partout là. C'est l'hémorragie. Ça, c'est un coup d'Ozymandias ou du poudre. Hein, fais gaffe. Et saigner les oreilles de James. Il en peut plus de mes clones, de mes bébés, de mes toffeurs. Mais pendant qu'il est pas là, mais tu vois, pour parler du fait qu'on nous parle tout le temps de Manhattan, tu vois, comme un dieu, et que dans cet épisode, on voit beaucoup le bleu revenir, comme je disais. Ouais. Bah, moi, je trouve que ça serait pas con que, Toffer, quelque part, ça soit, comme je te disais, le fils de Manhattan, un peu. Ah, bah, moi. Genre un côté fils de dieu, même pour. Angel, pour un ce côté-là. Je vote pour, complètement. Ah mais ça serait vachement bien. Hein. D'ailleurs, j'avais vu quand il y a les témoins de Jéhovah là au tout début. Oui. J'avais lu sur internet qui expliquait qu'il disait tiens c'est bizarre parce que quand ils font leur petite prière là au début de la fête, ils disent au nom du Christ et la personne elle disait que les témoins de Jéhovah dont il avait fait partie, ils disaient que normalement on dit au nom de Jésus. Oui, parce que c'est pas eux qui reconnaissent pas c'est ça. Non, ils Jésus reconnaissent pas la comme Trinité. Le fils de Dieu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm-hmm. Donc, oui, pour eux, l'histoire de... Je sais pas, je crois qu'ils reconnaissent pas la Vierge Marie et tout ça, quoi. Je sais pas du tout. Je sais plus exactement. Mais ouais, ils ont une... J'avais lu d'ailleurs, en parlant des témoins de Jéhovah, c'est leur... Ah oui, c'est peut-être les protestants. Ouais, c'est les protestants, je crois, qui... C'est pas ça. Mais les témoins de Jéhovah, leur base, en fait, elles sont... Elle se trouve à New York. Et d'ailleurs, leur base, elle s'appelle Watchtower. Ah ouais, Watchtower, bah tiens, ouais. C'est pas mal ça. Donc il y a un petit, intéressant. Un petit rappel, après est-ce qu'il y a un lien, je sais pas, mais il y a quelque chose. Donc ok, bah merci Asma pour, c'était pour cool. Toutes ces théories et toutes ouais. ces toutes ces recherches. Mais c'est bien, on est sur le même truc là, il faut qu'on continue à bosser ça là, mais ça va être bien. On lâche du pas. Du coup on a passé. Ouais. J'espère que Xavier est content. Xavier, est-ce que du Phasma Show. Est-ce que t'as des trucs à dire ou est-ce qu'on peut conclure en parlant du trailer. En parlant du trailer. Alors il écrit suspense. Ah, quand même. Il a des trucs à dire. À chaque fois, il parle pas. C'est pour ça que je voulais qu'il parle avant moi, parce qu'à chaque fois. merci Asma. Merci à vous. Ouais. À très bientôt. À une prochaine. Oh, bah oui, toujours. Avec plaisir. Bah si tu passes dimanche soir, on sait jamais. Je sais pas. Moi, je vais essayer. Je te promets rien, mais je vais essayer. Il faut vraiment. En plus, attends, c'est une série pour toi. Je ne spoil pas trop, mais il y a des bébés, notamment un. Oui, il y a des bébés. Je ne spoil pas plus. Bon allez, merci Asma. Super, ouais, merci. On va passer Bonne la parole à Xavier. Bonne soirée. Ciao. Bye. Ciao. Alors Xavier. Alors, Xavier va nous rejoindre maintenant. Tac. Il a des Bonsoir. Choses à dire. Vous m'entendez bien? Ah, ça va Xavier? Ça va, ça va. Ouais, impeccable. J'ai pas vraiment de théorie, mais j'ai quelques réponses. Notamment, moi, j'ai été vraiment ébahi par la mise en scène et par les différents fondus qui ont été utilisés dans l'épisode. Alors, pour expliquer un fondu, c'est ce qui permet de passer d'un plan à un autre, mais de changer de lieu géographique. Donc, on a au début dans l'introduction, dans la fête foraine qui fait énormément penser à Killing Joke. On a à un moment donné, quand il y a un travelling arrière, on voit qu'il y a marqué Sinatra Avenue. Après, on voit le poulpe qui est écrasé dans la ville. Et après, on a un fondu musical avec New York, New York de Sinatra. Et ce fondu musical, il fait le lien entre le parc d'attractions, les événements qui se sont passés et le fait que, rien que par la musique, on sait que l'action se passe à New York. Ouais. Ça, c'est. C'est vraiment la chanson symbole de New York. Et d'ailleurs, les Sinatra vont revenir tout le long de l'épisode. Elles vont ponctuer le quotidien de Wade. Et le dernier fondu, c'est lors du discours de Ozymandias qui dit « La lutte sera sans trêve et sans merci ». Et à ce moment-là, après, sur une main qui tient le parfum « Merci », j'ai trouvé ça très bon. Il y a aussi un fondu avec le, je sais plus quelle scène et il y a Ozymandias qui, non c'est pas Ozzy, c'est les Philips qui remuent un truc, ça fait des bulles et on voit les bulles apparaître au fur et à mesure et en fait on voit, c'est un fondu avec ça. Oui. Je sais pas si tu te souviens. Oui, ça me parle. Ce qui m'a marqué moi c'est l'attitude d'Ozzy. Ozymandias qui mis très très très mal à l'aise en fait parce qu'on a un personnage très intelligent qui a pour but de créer une société idéale et pour ça il va faire un génocide ciblé avec l'onde psychique qui va tuer énormément de monde. Et ça a fait penser un peu aux thématiques qu'il y a dans Star Trek, où à un moment donné, Spock dit « L'intérêt du plus grand nombre prévaut sur l'intérêt du plus petit. » Sauf que dans Star Trek, on n'aurait jamais ça. Donc, mais là où c'est gênant, c'est que pour parvenir à ce génocide, Ozymandias s'amuse. Il le dit, c'est. On va refaire un peu le contexte. qu'on a entendu à la radio. Là, on est en pleine guerre froide. Les Russes sont prêts à envoyer les missiles sur les États-Unis. D'ailleurs, ils disent que si le poulpe, enfin le calamar n'était pas arrivé, les Russes nous auraient atomisés. Donc le but d'Ozymandias, c'était, comme il le dit, c'était de créer la peur pour faire croire qu'il y a une menace supérieure pour plus que les hommes s'affrontent. Mais le problème, c'est que pour ça, il fait un canular, il s'amuse. Et après, après on le voit, il est prisonnier. Et là encore, il a un problème, il faut qu'il s'évade. Et il s'amuse encore à massacrer des personnes. Il crée un génocide sur la planète. Il les balance en catapulte. Et encore une fois, ce génocide va lui permettre devrait lui permettre de trouver la solution. Parce qu'après, une fois arrivé sur le satellite qui est peut-être Europe, on ne sait pas. C'est peut-être pas très important, mais il se sert du charnier pour écrire le mot help me. Mais il l'avait dit de toute façon dans l'épisode 5, il le disait j'arriverai à m'évader grâce à vos corps et à vos. Oui, et donc et à vos os c'est le fait que ça l'amuse de faire des génocides pour trouver des solutions à ce problème, moi ça me met très mal à l'aise et ça me fait penser à Hitler. D'ailleurs, quand il marche sur le satellite le long des corps, ça fait penser à des scènes de la liste de Schindler. Mais c'est pas pour rien justement que le film qui est lié à ça, c'est totalement une reprise de Schindler. Et justement, la scène sur le satellite, j'y ai pensé aussi. Et c'est vrai que, encore une fois, ça renvoie à l'histoire de l'humanité. Et peut-être aussi, tu vois, au côté, genre, t'as l'impression que ça s'est passé une fois, mais que l'humanité apprend pas et que ça peut revenir. Mmh. Et je trouve qu'on peut le relier pas mal avec notre société actuelle aussi. Hein. Qu'est-ce que je disais déjà ? La scène... Que ça ressemblait... je disais qu'on a le miroir... À la scène dans le parc d'attractions, mais sauf que pour moi la scène en satellite est encore plus forte et plus marquante. Ah mais je suis d'accord. Ces scènes-là, franchement, elle est vraiment glaçante. Le sang, comme on dit. Ouais. En plus, ils s'acharnent sur les cadavres. Pour leur couper les membres. D'ailleurs, ça, ils l'avaient testé. Épisode d'avant, il s'était énervé sur un des cadavres de Monsieur Phillips qui était retourné et gelé. Et d'ailleurs, dans sa prison, il a vu qu'il pouvait le faire, donc il continue à le faire sur sa planète. D'ailleurs, le fait qu'il crée les clones en les mettant dans un four, enfin qu'il les fasse grandir en les mettant au four, c'est C'est vraiment. J'espère que. Enfin, je pense pas que Damon Lindelof cautionne les méthodes d'Ozzy. Et je pense que l'épisode 6 va vraiment nous retourner la tête. Parce que là, franchement, de toute façon, je pense pas que Moore il approuvait les méthodes d'Ozzy. Non, il approuvait pas ses méthodes. Non, mais c'est une bête sauvage, Ozzy. Oui. Il te fait style qu'il est intelligent et tout, mais si tu regardes, il cède à ses plus bas instincts. Et je trouve que c'est un prétexte pour lui pour libérer. Tu vois, si Manhattan il est comparé à Dieu, Ozymandias c'est le diable. Oui. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Hein. Oui, puis il y a le thème du déterminisme avec lui, vu que tout prévu, comme un horloger, il a tout prévu comme un horloger. Après, on nous a dit dans l'épisode d'avant qu'il restait 3 jours avant quelque chose, on ne sait pas quoi. Mm-mm. Ah, mais c'est exactement ça. Hein. En plus, le gars, il laisse même pas le choix à l'humanité, c'est il impose sa façon de faire, il essaie pas de dialoguer, il essaie pas d'expliquer, c'est direct, il fait son truc. C'est... Enfin, voilà, il est écœurant. Oui. Mm-hmm. On va peut-être passer au trailer. Ouais. Bah, si vous voulez, on va. On va dire merci à. Ouais. À Xavier, merci d'être passé, c'était ouais. Cool. Merci. Ça coupe un peu. Ça coupe un peu, ouais. Donc ouais, on va... espérons que la semaine prochaine ça coupera plus. Ouais, j'espère. On en fera des tests au pire pour voir si ça. Ouais, si ça recoupe. Donc merci beaucoup à toi, Xavier. Merci c'était très vous. Intéressant c'était en tout cas, tout ce que t'as dit. Effectivement. Ouais. Mais c'est, tu vois, c'est par contre, des fois, il y a des points Goodwin, des fois, qui sont intéressants à soulever. Ouais. Parce que bah, ça apporte un éclairage. Et là, je trouve que sur Watchmen, c'était. Ben, ouais, c'était. Pas une bonne idée, je veux dire, mais c'était intéressant de, ben, de poser ces éléments-là dans l'épisode. Ouais. Ok, donc le trailer. Oui, alors, donc, la semaine prochaine, l'épisode 6 s'appelle This Extraordinary Being, qu'on pourrait dire par ben, cette existence extraordinaire, en quelque sorte. Ok. Et du coup, dans cet épisode, ben, on va voir que Angela ben, va revivre des souvenirs. Donc, ça a l'air d'être vraisemblablement des souvenirs de son grand-père. Ouais. Et on va voir que la série va alterner entre passage en noir et blanc, passage en couleur. On va avoir Angela qui va se superposer à son grand-père. On a l'impression qu'elle a l'air d'être perdue et qu'elle ne sait plus quels sont ses souvenirs à elle, bah, elle va et les souvenirs de son grand-père. Et en même temps, les gens ils vont essayer de la tirer vers le. Vers oui, la réalité, mais j'ai l'impression qu'elle va vivre aussi des souvenirs à elle. En même temps que c'est son grand-père et qu'elle va mélanger tout ça en fait. Ouais. Et puis ouais, comme tu dis, on voit Laurie qui essaye de la, ouais, de la ressortir. On voit Cal aussi, bizarrement. On voit donc son grand-père qui discute avec quelqu'un. Ouais. Ouais, donc ouais, ça a l'air vraiment très un truc entre rêve et réalité. Ouais. Peut-être qu'on pourrait avoir un truc un peu Lynchien. Enfin, tu vois, David Lynch dans l'hommage, peut-être, avec un côté, on sait plus où on est perdu, entre rêve, réalité. Enfin, je pense que ça peut être, si la mise en scène est bonne, et enfin, pour l'instant, on n'a pas été déçu par la mise en scène, ouais. Il y a moyen d'avoir quelque chose qui va nous péter le cerveau, et pourquoi pas nous casser nos propres miroirs internes. Et je rappelle que Sullivan, qui avait déjà vu tous les épisodes. Je te surveille le chat parce que je peux plus surveiller si jamais il y a des réactions. Sur... Sullivan nous avait dit que l'épisode 6, on n'était pas prêt. Donc on a vraiment hâte de voir. Ah, mais j'ai hâte de voir ça. Ouais, ça c'est sûr. Hein. Je pense que le prochain récap va être en fire avec du fire, complot, exactement. Du complot de nouveau, peut-être des bébés, peut-être on sait pas, plein de choses, du mystère. On remercie tous les gens qui ont participé. On s'excuse pour les problèmes de connexion. On espère que ça rendra bien pour les personnes qui écoutent. Ben, en replay, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Pour les gens sur le live, là, peut-être qu'il y a certains moments que je couperai. Je pense à Xavier où vraiment il y a des moments où on n'entendait pas bien. Donc peut-être que je ferai sauter des moments, mais on verra. Ouais. Ouais, on verra. Ouais. On verra pour le reste. Sinon, il faudrait, si vous avez la possibilité de vous enregistrer, au cas où, ça fera des sauvegardes sur les prochaines. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut refaire des claps. Ouais, on fera des claps, c'est pas grave. On fera des claps, au pire, c'est pas bien grave. Donc, en tout cas, c'était très intéressant, tout ce que vous avez dit. Ouais, c'était vraiment enrichissant de faire ça avec vous. Mm-hmm. Et moi, vraiment, je trouve que c'est la meilleure façon de faire une émission recap, c'est de pouvoir échanger directement avec vous. Ouais. C'est vraiment le mieux. Donc, les gens qui ne sont pas sur le Discord et qui ne viennent pas le jeudi, mais à 20h30 pour venir le faire avec nous, bah venez parce que vous voyez. C'est cool. Et puis même, n'hésitez pas à nous envoyer même des réactions en audio. Ouais. Comme Sophie comme ça, l'a fait, voilà, vous pouvez envoyer directement votre réaction en audio. On l'écoutera puis on réagira. Vous l'envoyez sur jamesfay@gmail.com. Ouais. C'est le plus simple. Voilà. Même vous pouvez nous envoyer des mails, on peut les lire. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à utiliser l'interactivité parce que nous, ça nous intéresse et vous, ça peut vous permettre aussi d'échanger. Et ça, c'est important. Merci beaucoup à Xavier, Asma et à Soli d'avoir participé. C'était vraiment très cool. Merci aux personnes qui étaient aussi dans le chat. Ouais. Et si vous avez envie de refaire la même chose, moi, je vous invite dimanche soir à 20h30 à venir parler de Star Wars et de Mandalorian, voilà, qui est une série qui est un peu plus calme que Watchmen. Et ça peut avec nous faire du bien aux neurones. Qu'est-ce que tu as dit, James ? Avec peut-être moins de théorie. On en avait quand même un petit peu, mais bon, ça fait du bien des fois de discuter tous ensemble. Après, c'est sûr que... Xavier nous dit qu'il ne viendra pas dimanche. Oui, je sais, il n'y a pas de souci, on est déjà très très triste. Mais je comprends tout à fait. Mais c'est vrai que c'est dommage, et je trouve que c'est une erreur de Disney, de ne pas faire comme, comme pour Watchmen, tu vois, de pas nous proposer en même temps que tout le monde, c'est con. On est obligé d'aller voir le tonton des États-Unis pour pouvoir en parler, c'est dommage. Ouais. C'est dommage. Exactement. Mm-hmm. Mais ce n'est pas le sujet de cette émission. Oui, oui. Mais par contre, je me demande si Scorsese valide Watchmen. Sûrement, sûrement, je pense. Puisqu'il y a un hommage quand même, enfin un hommage. Sachez que vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Donc, Comics Discovery pour tout ce qui est comics, et puis James et Faye pour tout le reste. Mm-hmm. Bah, donc, il ne reste plus qu'à vous dire au revoir. Ouais, vous pouvez retrouver toutes nos productions sur jamesetfaye.fr. Mm-hmm. Et nous, on vous dit au revoir, à la prochaine. Et regardez bien Watchmen. C'est ça. Salut. Salut.